En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. Yeah. Oh yeah! L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 88, Alex Cromp, le numéro 24, Marc Véro, j'ai changé mon ordre, le numéro 98, Alex Gallipo, et le numéro 31, JF Mallette. Un petit peu d'improvisation. La soirée du podcast, nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue saison est finie. Nationale de hockey. La saison est finie et on vous en parle avec passion et boisson. À soir, on fait notre post-mortem. Pour ceux qui écoutent, j'ai un autre potin pour tantôt. Oh, shit! Un autre potin? Nice. Avec des sources de marde, mais... Le post-mortem pour... T'avais pas entendu mon potin? Non. C'était-tu au dernier podcast? C'est un potin, potin sur de Bergevin. De Glenn ah oui, que Bergevin est alcoolique. Ça sort de où, ça? Bon, OK. La soirée du podcast, discussion de taverne dans un décor de condo de Longueuil. Ça, c'est un gars qui est sûr qu'il y avait... Je l'ai vu s'acheter une bouteille de vin à SAQ à Longueuil. Non, non, il était... un pickle dose. Non, bon, il popait des bouteilles, il était chaud, Red. Ah, y a notre Là, ça arrive à mort souvent de popper des bouteilles aussi. Pas alcoolique. Je suis capable de skipper lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est un alcoolique de fin de semaine. Alors, on va aller faire le match. Bon. Alors que je monte le volume à Martin. Alors, on va y aller avec les positions du pool. Ce show n'est pas une présentation des ducs alcool. Non. On pourra parler ça dans... On pourra parler dans Josette aussi. C'est complètement fou, là. C'est irréel. J'ai dépassé ma limite pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a les positions du pool? Dive! Dive! On va te sortir ça, drette, là. Oui. Alors, en première position, nous avons... Doug Rimmer! Doug, serre-moi les pompes! Doug Jordan, qui est un auditeur de la Suisse. Qui est Doug Jordan? Ouais, c'est un auditeur de la Suisse. Ah, lui, c'est un Québécois, c'est un Québécois. C'est un Suisse. Non, je vais vous en parler après de lui. Okay. Il a triché, lui. Après ça, on a Alex Gallipo. Oh, deuxième. En deuxième, en troisième. Tout à fait normal. En troisième position, Jason Cavallaro. En quatrième, Stéphane Jean-Pierre. Ou Jean-Pierre Stéphane. Le gars qui a deux prénoms. Le pauvre gars qui on l'écart chaque épisode. Il y a trois prénoms, Jean-Pierre. Écoute-tu le show? Il est-tu fan? Ben, j'imagine que oui, sinon, ils ne sont pas sur le pôle demain. Ça doit être un haïtien. Les haïtiens ont souvent trois prénoms. Mais c'est vrai. Ah, oui, ils ne seront pas insultés, c'est vrai. Qui est en cinquième position? Sébastien Giacometti. Ben, Sébastien Giacometti est le fils de Pierre-Yves Giacometti, qui est notre auditeur suisse depuis le début. Oh, tabarnak, son père est suisse. C'est lui qui est un gars de la mafia. C'est le monde du Québec qui nous écoute. Non, mais c'est lui qui m'a dit que Doug Jordan était un auditeur suisse également. Alors, on est un auditeur suisse, n'a rien compris. Ben, cool, ben oui, parle français, what the fuck. Mais on parle. Salut les frères. On parle pas français, là. Un Suisse. Un Suisse, ça parle comme genre Weber, là. Ça se parle très bien français. C'est Weber. Ça parle très bien français. Ça parle un mix en talent. C'est moins pincé qu'un français de France. Ah, c'est sûr. Salut les cognards. C'est mieux des français de France. Ben, si y a des fans de la France, bienvenue. Alors, un sujet. Allons parler de palais de Lourdes. On va taper sur Cristobal. Des fans de Cristobal dans la salle? Ouais. Non, je pense pas. Il y a plus des fans de Crystal Meth. Non, mais c'est le fun qu'on soit écouté jusqu'en Suisse. Des gars, ça arrive ça de Montréal un peu chaud d'air en mangeant du PFK. On va te le dire, Jeff, c'est le fun en tabarnak. J'aime ça. L'avez-vous compris, celle-là, les Suisses? Non? Okay. Ben, ils comprennent jamais rien. C'est qui est méchant? C'est sûr qu'ils nous comprennent. Moi, je suis comme Don Cherry. Mais pas fuck les Suisses. Non, mais... Don Cherry. Ils font, hey, fuck les Suisses, vous faites des couteaux de merde. Pis de l'astide parfum qui pue. Swiss Army, là. Wesh. C'est un parfum? C'est une marque de couteau aussi. Non, mais c'est un parfum, là. Swiss Army. C'est tout. On s'éloigne. On est loin, là. Ouais, pis pour terminer l'avant-match. Emmène-nous, GF. Allez voir encore une fois Mallette en quête. GF qui a failli mourir avec moi en auto. Pis. Hey, Charles, tu s'en es sorti. C'était intense, là. Il y a tout le temps des placements dans ses poches. Tout le temps. Sérieusement, ça devient. Le gars, tu sais, vous roulez à 100, t'en as même pas le volant. Le gars qui t'a enlevé, là. C'est dangereux, ce gars-là. Ouais. C'est le genre de Mexicain iranien, là. Sans le hamé. Ils ont sans l'ail. Yeah, hashtag manette enquête. Pour rencontrer ça avec un petit odeur de PFK. C'est tout sur notre YouTube. Il y a une belle playlist si vous voulez écrire ça. Un beau pet sauce. Il y a un fan qui nous a dit je prendrais 20 minutes de ça à chaque fois. Je suis pas sûr qu'on ferait 20 minutes de manette enquête à chaque fois. Ça serait long. Mais si tu veux, va écouter la playlist. T'en as à peu près 15 minutes. À tous les jours, écoute-la. Ah, ben là, on est rendu fan. C'est quand le prochain manette enquête? Je commence à penser qu'on va faire un genre de compte Twitter à part puis un compte Facebook à part pour ça. Justement que ça pogne plus que le podcast. Si on met des rumeurs demain. Ça va être le gars, le genre, qui va se faire. Il va dire on va engager ton podcast, mais juste toi. Ok, il va nous vendre. C'est le gars qui est rentré en dernier, mais qui vend toute la patente. Malette n'arrête de nous sortir tranquillement. Il arrête de nous faire un takeover immédiat, mais écoutez la jasette, on va en parler tantôt de ça. On s'excuse, on a créé un monstre. On a créé un monstre. Fait que sur ça, on va aller. Bout de la Modelo. Ouais, bout de la Modelo. Il est tout à pacter sa Modelo. Encore, là. Encore. Commençons la première période. Modelo. Il est tight, mon nouveau iPad. Il est tight. J'ai même corrigé les problèmes qu'on avait eu l'autre fois. Il est chaud, ça, Modelo. Hey, question de commencer le podcast en étant bien déprimé. On va faire un petit résumé des derniers matchs. Ah, fuck off. Pas du Canadien à soir. C'est comme ça qu'il parlait d'autres choses. Ouais, on a fait une grosse jasette. Ce serait fun, mais il faut parler du Canadien quand même. Malgré ok, ben parle-en. Vas-y. On a commencé sur 6 matchs avec 3 victoires quand même. T'sais, on avait dit qu'on perdrait, surtout contre Edmonton. 16 février, Edmonton, on a gagné 5-1. Là, on a tout comme un petit regain d'espoir qu'après 2-3 matchs, c'est détruit. Moi, ça me faisait chier, honnêtement. Qu'on gagne? Parce qu'on avance dans le classement. Moi, je veux qu'on baisse. Dude, on a 3% de chance d'avoir le first. En ce moment, là, on a plus de chance en pourcentage d'avoir le first. On peut continuer à descendre. Ouais, mais on part à 3%. Ouais, mais malade. Après avoir 10%. Ouais, mais on a 3% d'avoir un pic, puis on a 5% de chance de faire les séries. Je me concentre sur le pic, là, présentement. On a plus de chance d'avoir le pic. Ça bouge pas. Paniquez pas, là. À ce rythme-là, c'est sûr qu'on finit, là. Pas mal kiff-kiff avec Toronto. Ben non, c'est impossible. Et ben, il reste pas assez de matchs pour descendre autant. Ouais, okay, Toronto à 49, nous on a 10 points, 8, hein. Ça fait 9 points. Ouais, mais si Toronto se met à gagner, c'est 10 matchs, il reste 25 games. T'as pas de l'argent là-dessus. Toronto va continuer à tanker. Ouais, puis nous autres, tout. Fait que ça va être dur à rattraper, mais c'est deux tanks en même temps. On pensait qu'on perdrait contre Edmonton 5-1. On a gagné. L'attaque, c'est ouais, mais les jeunes, ils étaient pas. Ouais, ça, ben ça, c'est le bon game. Au classement général, on est à quelle position, là? Je peux te dire ça. Général, c'est plus important ce match, man. Hein? Non, c'est au général, oui, c'est important. C'est pour le pic, man. Mais on n'aura pas le pourcentage. Non, je veux pas le pourcentage. Je veux le classement général, calice. Avec le wildcard ou sans le wildcard? Non, le classement général. On repêche à quel pic, là, maintenant. La Ligue, on est 23e. Ouais, ça, il y a 7 équipes en avant de Ligue. Ah, c'est dégueulasse. Juste 10 équipes. L'application iPad est bonne. Ça dépend qu'est-ce qu'on repêche. Ben, c'est ça. C'est ça. Ça dépend c'est quoi qu'il va chercher. Toronto sont bons derrière. On pêche pas un Québécois. Les Jets sont 25e. Un défenseur. Puis on est ce club. Il y a deux jeunes Québécois. Ouais, les Jets sont en bas. Les Jets sont en train de parler. On parle tout de suite. Les Jets, on les parle ensemble. Ouais. Hey, écoutez, les gars, là. Marc, écoute, je vais déjà dire. On sonnait de même. Marc, écoute, je vais déjà dire. Ah, il fallait bien que je les aille, celle-là. Ouais. J'en ai d'autres des bords. Entendu celle-là. Je pense que je pourrais faire un loop là-dessus. C'est vrai, il était pas là. Ça commence de même, son affaire, Marc Bergevin. Marc, écoute, je vais déjà dire. C'était coupé vite. Moi, comme directeur général, tantôt, ça a passé RDS, ça. Hey, c'est quoi, t'as fait? Mais non, là, tu l'as comme coté vite. Là. Ben c'est non. Quoi le restant de Marc, la écoute, je vais déjà dire. C'est ça, il commence à parler. C'est ça, la pause. Il commence de même. Il se met à gauche, j'ai déjà, puis il se met à dire d'autres choses. Là. Mais après ça, il dit moi, comme directeur général. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Directeur général. Directeur général. Dans le fond, il faut que tu les mettes un après l'autre. Comme. Mais tu mets, mettons, vite. Vite. Marc, écoute, je vais déjà vous dire. Comme j'ai manqué mon coup. Whatever. T'as un super iPad pareil. Là, il est trop sharp. Là. C'est un test, ouais. Ramène-moi le vieux iPad. Si t'es même pas capable de faire ton timing. Le vieux iPad, ça prend 8 secondes. Le timing. Le vieux iPad, là. Qui mange la main? Deuxième match, 7 février, on a gagné contre la Caroline. On a-tu gagné 2 de suite? Ouais, on a gagné 3 de suite. 3 de suite. C'est vrai. T'étais de bonne humeur sur le chat. Celle-là, on l'a gagné sur la peau des fesses. 2-1 en tir de barrage. J'étais pas de bonne humeur, je me disais, voyons Chris, on perd nos chances d'avoir un pic. Après ça, on a battu Tampa. C'est ça, aigu comme ça. Ben oui, comme Alex. Moi, je suis pas grave. 4-2 contre Tampa. Après ça, on a perdu 3 games. Buffalo 6-4, Arizona 6-2, puis Colorado 6-3. Scrivens a planté vite, hein. Il était comme, oh, Scrivens est hot. Oh non, 6-2, 6-4. Scrivens a tout le temps été tout croche. C'est dude, man. Pas ça. Il y a eu des locks. Ben, pendant 3 games, il a été locker. Ouais, il a été locker. Il a joué avec sa lock. Sa goaler, c'est le même. Par exemple, man, des fois, tu sais, on chiolait que Tokarski, il nageait. Là. On a vu des goalers comme Andrew Hammond. Mec, il nage. C'est fou, man. C'est comme pas d'un bord. Ah, Condon, il est plus safe. Il est juste pas là pour les gros saves quand c'est important. Ah, le Condon est tout le temps plus safe. Ah, mais il est. C'est ça, ben, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais pas tant que ça non c'est plus. C'est ça. C'est sa deuxième pas, année professionnelle. Il n'y a pas pris avant ça, des il était shots dans les ligues universitaires. Regarde, on s'entend-tu qu'il n'y ben, a pas, pris, pas ben d'expérience, ça, le gars. Il n'est pas prêt. Il est crissement pas. Mais fait de la bonne job. Avec lui, dans le second. Argumément, il n'est pas prêt. Ah oui, mais là, il n'est pas prêt pour être first. Pour un numéro 2, il est parfait. Pour un numéro 2, il va gagner une dizaine de games par année. Il va gagner ses games. Même l'année prochaine, quand Price revient, ça va être le numéro 2. Si Price revient. L'année prochaine. Est-ce que c'est le temps de sortir les rumeurs sur Price dans la deuxième période avec les extraits audio? Ben, ok, je continue. On va pas mal over the page. Je connais un plongeur d'un resto. On fait-tu des plus moins, plus fort, des plus moins? Arrête, même ma source, c'est quasiment. Ok, ben, c'est dans les plus moins. Quasiment aussi fiable que ça. Ok. Vu que ça va être rapide, allons-y avec nos plus, parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ok. Il y en a-tu? Non, moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai un où je donne à l'heure celle-là. Ben, moi, je vais juste. Pilote du premier trio. Si on se concentre juste, c'est trois premiers. Centre du premier trio. Les trois victoires, le seul qu'on a eu. Qui qu'on donnerait comme plus à Plekanec. Ouais, pour sûr. Carl Chenyok ou André Gatto. Ouais, il a fait 9 points à 3 games. Ah, mais je vois pas le nombre de points, moi. Je vois pas au commitment dans la game. Puis non moins dans les 3 défaites. Et si Boyman, la liste va être longue. Ah, mais c'est ça, on peut pas, moi, c'est l'équipe. Toute la style d'équipe. Le leadership. Je suis pas de la gang. Honnêtement, là, ça fait pas un bon joueur. Ça fait 2 mois et demi qu'on n'est pas capable de faire des points. Pacioretty, j'aurais donné mes moins pour tout. Genre, je te dirais depuis. Justement, le. Non, ouais, jusqu'à là. Vu que vous avez. Je n'aurais rien à choisir, je choisirais. 2 mois et demi. Vu que vous avez manqué le podcast spécial Marc Bergevin, on va vous donner la chance de réagir à ce qui s'est dit sur ce podcast-là. On vous laisse 2 mois et demi. Mon frère a fait poser une question qui était légitime. Est-ce que Pacioretty en ce moment est le pays capitaine de la Ligue nationale? J'aimerais s'entendre les trois qui n'étaient pas là là-dessus. Non, le pays capitaine, c'était Dion Phaneuf. Mais là, il est plus là. Mais quand même, c'était lui. Ça aurait de l'air que Pacioretty est vraiment apprécié dans la chambre, par exemple. Je pense pas que c'est le plus mauvais capitaine de la Ligue. Ça a l'air qu'il est vraiment apprécié par les autres. Ça glace. Il donne des gommises entre les périodes. C'est pour ça qu'il est apprécié. Comment? Il donne des gommises entre les périodes. Non, mais ça a l'air qu'il parle pas souvent, mais quand il parle, il y a beaucoup d'impact. C'est n'importe quelle équipe ben, que c'est. Je suis pas sûr. Moi, je pense que Pacioretty actuellement dans la chambre, là, il vole pas haut. Il est peut-être respecté des joueurs, mais je pense qu'il impose pas. C'est-tu un capitaine qui impose? Tu vois pas son leadership. C'est ça, le gars. Non, mais là, il est fourré. On le voit pas. Tu serais bon sur la glace. Non, mais Alex, on voit pas les pommes. Il joue volement. J'ai l'impression qu'il y a de l'incompétence. Tu sais, il l'a pas. C'est pas fait pour lui. Non, mais il sait que ce gars-là et tout, il fait pas beaucoup d'efforts. Non, c'est ça. Il va pas dans le milieu de la glace. Des fois, savez-vous quoi? Pour moi, un capitaine qui peut péter les plombs. Si pas je vois comme Gallagher, là. C'est pas un leader. C'est pas un leader qui prêche par l'exemple. Gallagher, ça, c'est un leader. Certain. Sauf que ça se peut que dans la chambre, il soit vraiment apprécié. Mais par rapport à Pacioretty, ça, on le sait pas. C'est dur, par exemple. Moi, dans chambre, c'est dur de faire des speeches dans la chambre. Ton micro, des écouteurs. Des micros. C'est dur de faire un speech dans la chambre. Mais quand tu produis pas, puis quand t'es mauvais, quand tu prêches pas par l'exemple, justement. C'est dur. Mais je verrais plus Gallagher comme capitaine pour le vrai. Après cette saison-ci, je verrais plus Gallagher. Ben, c'est-tu quoi? Souban, moi, je le verrais comme ça. Ah non, pas. La rigueur. Non. On va donner chacun votre slider pour monter votre pour vrai, ouais. Non, parce que moi, tu vois, juste pour le jeu qu'il a fait dans la game, ça montre l'individualisme. Le capitaine, ça veut dire lui qui va sacrifier toutes les games comme Gallagher. Mais vous savez, par rapport à. Même Gallagher, de ce moment-ci, il n'emmène pas l'air, je trouve. Ouais, je performe tout le temps la même façon. J'aurais plus confiance, pour vrai, là. On le voit moins pareil. Moi, je pense que Souban pourrait plus t'amener, genre, à la Coupe Stanley que Pacioretty. Mais là. Non, c'est moi qui veux dire depuis tout à l'heure. Ça fait 8 fois que je commence. Excuse. J'ai dit, je le sais, le problème de Pacioretty, puis ça a été 17 semaines à la radio 91.9, alors le voici son problème. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Gérard Galland, mou comme la merde. C'est boire. Gérard Galland. C'est pas Gérard Galland, ça. Ah, c'est quoi, il s'appelle? Gilbert Delorme, ouais, c'est ça. Allez, on le remet. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Allez, la 91-9, bon, la rectitude politique en a pas là. Mon gars, il a déjà chié plus dur que Pacio aussi. Ben ouais, il s'en dit des affaires, ce poste-là. Ça brasse, là. Il y a bien des niaiseries qui sortent. J'ai demandé qu'on ait fait un show de radio là-dessus. Hein? Quand ils ont ouvert, je disais, engagez la soirée du podcast. Ah ouais. Ils n'ont jamais répondu, c'est écœurant. C'est quoi ton image de René Bourque? Mon image de René Bourque? Dans le cas de René. Je l'ai ramené celle-là parce qu'il nice. Il manquait. Ouais, j'ai dans le cas avec sa photo, est-ce qu'il a l'air d'un cave? J'ai brisé mon cœur. Ben ouais, de quoi on parlait? On parlait de gosse. On parlait de leadership. T'es comme en train de t'abuser, JF. Non, mais tout le monde me demande de mettre des sons. Là. Comme, on parlait des trois, les, au moins les trois défaites. Non, on disait si c'était le pays capitaine de la Ligue, Patrick. Non, c'est pas le pays capitaine. Non, c'est pas le pays. Je peux pas dire ça. C'est qui le pays? Non, c'est pas le pays. C'est parce que Montréal, moi je reste fan off, mais là, il est plus là. Il c'est plus un capitaine. Ben ouais, mais depuis très peu, là, pareil. Il était là pendant trois ans. Là, vendredi 19 février. P capitaine. C'est une c'est... bonne question. Tu viens de te réveiller, toi? Non, je comprends pas le rapport. Mais là, c'est qui le capitaine? Je comprends pas. Moi, je vais dire le capitaine des Blues. J'étais encore faible. C'est ouais, c'est qui? Je sais pas. C'est... Moi, avec, je m'attends. Moi, je vais juste sur les Blues. Ouais, c'est grand, c'est bon. C'est mais c'est sûr c'est meilleur. Je pense que c'est Backus. Ouais. Mais non, c'est sûr que... Bacchus, moins bon capitaine que Pacioretty, arrête là. Fait que ce qui c'est moi qui ai dit ça, moi. Tu ralentis le groupe, non, là. Non, mais c'est parce que j'ajustais mon micro. Le capitaine de Minnesota. Fait que si je vous comprends bien, là, vous êtes tous d'accord si, que... C'est pas couille-vous, t'es, mon tabarnak. Non, mais ça n'a pas rapport. Hey, Montréal a tellement de situations difficiles, tu peux même pas dire, genre, mais... Tu veux-tu dire quelque chose, Jean-François? Rien, je veux juste savoir si vous étiez d'accord avec ce que j'ai rapporté. Qu'est-ce que t'as rapporté quoi? Man? T'as rapporté du KFC. T'as rapporté un rapport. Ouais, non, ça, pas rapport, ça, mais... J'en reviens sur Bergevin. Genre, êtes-vous ouais. fier de votre directeur général? Ah là, je vais dire, je suis pas fier, moi, là, là. Écoute, moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Il l'a-tu fait? Ben oui. Quand? Ben, chaque jour. Chaque jour, c'est ouais, c'est pas... Chaque jour que je travaille, grand au travail, ma bonne améliore le travail pour améliorer l'équipe. Ben, ouais. J'ai voulu être fier de votre directeur général. Pas en tout, man. Bon. Non, complètement bon, déçu, man. Là, c'est une merde. Moi, je suis bien content, man, qu'il fasse rien pour de vrai, man. Non, moi, je suis bien content qu'il fasse rien. C'est comme un gros fuck you aux fans de Montréal que là, tabarnak, allez chier, ça va arrêter de se passer comme vous voulez tout le temps. Il est pas assez brillant. Il marche pas. Sérieusement, je me rends compte que tout en même temps, tout le monde parle les sons. Ça, c'est Jeff, il veut jouer avec son soundboard. Là, c'est parce qu'il se passe une affaire en ce moment. Là. Je pense qu'on est tous sous au gras du KFC. Ah ouais, Jeff, il a amené son esti de baril de poulet frit. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il y a trois questions qui revolent en même temps. Skip et Capitaine, vous autres Bergevin, il y a des sons à travers ça. Okay, on va s'en rendre sur une chose. C'est quoi la question en ce moment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été 6, c'est un peu chaotique. Hein? Ouais, c'est mauvais. Hein? Non, c'est super bon. Je vais prendre une bière sur le bac. OK, on n'a pas le droit de faire ça. Là. Sérieusement, je suis prêt à sacrifier ma place. Bon. Parce que je vais vous le dire, les gars, le show, il est mauvais. Hein? le show est très bon. Non, OK. Mais là, c'est quoi la question, Carly? C'est celle à mallette. On va dire que c'est la mallette. Ouais, vas-y, mallette. C'est ça qui arrive, qu'il n'y a pas de pacing et qu'il n'y a pas de sujet. Hey, vas-y, on fait le breakdown des questions qu'il faut répondre. Non, mais première question. Bachelor of Peace, tu es un bon capitaine. Bergevin. Non. Là, c'est quoi, on fait ça une table ronde? Oui. Hein? Table carré. Deuxième question. Êtes-vous fier du travail de Bergevin? C'est bon, on a perdu un. Troisième question. Pourquoi? Pourquoi? Là, on va élaborer là-dessus. Je vais avoir un nom, un prénom, un sujet, puis un verbe. Il y en a un qui braille. Là. Salut, JF. Alex est parti. Veux-tu aller chercher une bière? C'est à chier comme chaud. Ok, c'est dégueulasse. C'est pas le bon son, mais c'est ça le bon son. Ouais. Là, sérieux, ouais, sérieusement, là, quelqu'un commence à écouter. Tu pourrais mettre 4 minutes et demie là-dessus. Ouais. Ça serait meilleur. Parce que, ouais, comme mardi, là, celui qui tombe sur notre show la première fois, ça a l'air d'un esti chaud de mal en ce moment. Là, ça prendrait un son. C'est quoi, on s'excuse pas. Là, ça prendrait un son de gazou, là, pis dire cabotinage, 2 minutes de pénalité. C'est plus ça, en fait. Pas un gazou, c'est un trombone, ça. C'est un show d'effets sonores. Ouais, c'est ça. On parle pas, on parle d'hockey des fois, mais c'est des effets sonores. Le meilleur au podcast aujourd'hui, c'est Soundboard, man. Ouais, ben, le nouveau Soundboard qui fait effet aujourd'hui. Calvaire, là, t'es bandé Soundboard. On peut-tu revenir au hockey? Non, j'essaie de vous garder focus, puis vous faites 15 conversations en même temps. Ok, oui, mais Chris, prochaine question. C'est JF qui posait des questions, là. Ouais, mais ça a pas été répondu. On change aux prochaines questions. Mais jamais ses culottes, puis là, il revient pas sa question. Mais, tu sais quoi? Ben, j'ai dit pourquoi, puis là, après ça, vous avez dit blablabla. Parce que, ok, c'est question. Non, check bien ça. Moi, je te dis, okay. Le Bergevin. Bon, le René, c'était chaud là, tabarnak. Non, ok, c'est bon. Fait que là, c'est fait quoi? Ta gueule! Sérieusement, il fait chier, hostie, parce qu'il a fait de la corde de la marde. Puis, dans le fond, il y a rien à faire. Il y a rien à faire, mais sérieusement, c'est tout le genre. Le tu réponds à quelle question? C'est toute l'affaire de Price, c'est toute la style d'affaire de la marde. Il respecte pas les fans, je trouve, hostie, puis il traite les fans comme vraiment des caves. That's it. L'enfant qu'à GF, on avait dit au podcast au foie, c'est le problème. Respecte pas les fans, il y a un meilleur fan au monde, man. Au début, on se fout de leur gueule. Ben, en ce moment, oui. Puis surtout avec le statu quo du Canadien. Puis moi, c'est ça qui me fait chier en ce moment. C'est le statu quo. Puis qu'il n'y a rien qui se dit. Ah, mais c'est parce que là, on veut tirer sur tout et tout. Parce que là, on perd tellement que là, toutes les bébêtes sortent. Mais Bergevin, il veut. On veut tirer à boulet rond. Il veut finir dans la cave. Non, mais il veut pas rien faire cette année. Puis ça donne rien de faire quelque chose cette année. Mais c'est ça. Il fait rien parce qu'il veut que le club continue comme ça. Il y a rien à rien faire. On va finir dans la cave. On va commencer à faire des moves. Ça, je suis d'accord là-dessus. Tu vas conservateur parce que t'attends que Price revienne. J'aime ça qu'il fasse ça parce que là, les journalistes sont sur son cas. Ils veulent un move, veulent un move, veulent un move. Là, tous les fans vont embarquer sur son cas. Faire un move. Non, ça ne pas de move parce que. Je parle la masse, là. Mais là, c'est ça qui se passe tout son cas. Honnêtement, avant la note limite des transactions, là, c'est on est vendeur. S'il y a des équipes qui se vendeur, mais pas rien. Mais non, t'es pas vendeur. Tu sais, on vendeur de la merde. T'es vendeur. Ouais, mais ça vaut rien, la merde. C'est ça. La merde. Des équipes qui veulent faire les. Qui veulent pas faire les séries, mais qui veulent augmenter leurs chances en série, ils vont ouais, vouloir mais Dave, tu vas à Markov, est-ce qu'il coûte 5 points que ça, non, mais même les si char, ah, mais ça dépend, tu peux aller chercher des gars qui n'ont pas des gros contrats. Tu vas aller à 4 points que les gars, même si on vendrait Markov, on aurait on comme un cinquième choix. Ben, le but, c'est de se débarrasser des salaires. Non, non, non, c'est défenseur Valchard. Un deuxième choix. Petri a coûté un deuxième choix. Ouais, ou tu vas chercher tu vas aller chercher carrément un prospect. Petri, c'est un bon coup de Bergevin, par exemple. Parce que Edmonton sont cœur. Fait que Markov, moi, je paierais en tant que directeur général un choix de deuxième pot. C'est parfait. Si tu vas sauver son salaire, tabarnak, pour l'année prochaine. Non, non, mais moi, je paierais ça, mais. Markov, il vaut plus rien. Un choix de deuxième ronde, c'est ça qui il vaut pour un an. Ça vaut un choix de deuxième. Il vaut pour quelqu'un qui pense aspirer au playoff. Puis aller loin. Puis il va payer un choix de deuxième. Donc, on a quand même des éléments qui peuvent intéresser certaines équipes pour aller chercher des jeunes puis aller chercher des prospects quand même un peu. Je sais pas qu'on va aller rebâtir notre équipe cette année avant la date limite de transaction. On rebâtit pas. Je dis pas qu'on s'en va chercher genre des éléments qui vont nous faire genre se rendre en finale de la Coupe l'année prochaine. C'est juste que on a la possibilité cette année pendant se débarrasser peut-être de certains contrats puis aller chercher ou des prospects ou des picks qui vont. Ça prend ouais, mais c'est ça, mais ça prend des prospect équipes. Ou un pick, mais parce que tu peux pas aller chercher mieux, tu iras pas chercher un autre joueur. Là. Dans les circonstances des contrats du Canadien présentement, là, un pick va mature quand c'est le temps de re-signer tous les gars. Fait qu'un pick, là, ça vaut pas grand chose. Là, pour un prospect. Dans notre window, là, tu te débarrasses un des salaires. Un pick, non, ça prend des prospects. Mais disons, ça nous prend du monde là. Ouais, mais Malette, ça va débarrasser de salaire. Tu vas faire quoi après? Parce qu'un pick. Y a-tu une si bonne liste de joueurs autonomes l'année prochaine? Elle est excellente, mon chum. Elle est excellente, mon gars. Backus. Ben, premièrement, t'as Steven Stamkos, Eric Stahl, David Backus comme joueur. Tout le monde capote sur Stamkos. On n'en parlera plus tard. Ah non, mais il y a UFA à Backus, ouais. Moi je serais game. Plus qu'Eric Starr, je pense. Ah, moi, Eric Starr. Non, Eric Starr, je veux pas le manquer. Eric Starr, je veux rien. Pète une puce, gars. Ah, c'est un très bon joueur. Ben, je vais pas chercher. Non, non plus, attendez, poète comme Sémin. Non, mais s'il ferait comme un Guy Carbonneau, puis être un leader dans la chambre, ça serait bon. Parce que c'est un vétéran qui est un capitaine. Non, mais peut-être ce serait bon pour un centre de troisième trio. Qui ça, Backus? Non, Eric Stahl. Eric Stahl, c'est la troisième ligne. Ouais. Deuxième ligne. Deuxième. Ben, ce serait les deux de la chambre. Pendant que Heller pilote ton premier trio. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Pendant que Heller est sa première ligne, tu mets Eric Stahl sa troisième. Ça va être votre golden boy, man. C'est mon boy, est-ce ça va être votre golden boy. Tu vas mettre Desharnais avant Eric Stahl. Non, mais là, on dit, mettons, OK, ça a eu sa chance. Troisième derrière. Comment il n'a pas eu? Bon centre de deuxième trio. Il joue combien de games au centre? Il ne plus grand chose avec ça. Il compte plus autant de buts qu'avant. Il a ralenti. C'est un vétéran. Là. Il est en trentaine, man. Ben, de toute façon, c'est pas lui que j'ai recherché. Ben, OK, mais. Qui ça? Qui t'a recherché? Dis-moi pas Jagger, il paraît que c'est le pire qui est dans la chambre. Ben, Stamkos, tabarnak. Non, mais ça, c'est pas mal. Il viendra pas, Stamkos. On s'en parlera plus tard. Stamkos, le malade, ça coûte. Il veut venir jouer ce marché de hockey, mais il vient de mon tour. Tu as l'argent, tu vas le signer. Mais t'as qui comme argent? Il est joueur autonome, tu peux le signer gratis. Oui. Gratis. Mais non, ça coûte de l'argent. Le signer, ça prend de l'argent sur ta masse salariale. Puis comme je te dis tantôt. C'est ça, depuis tantôt, je vous ai débarrassé. Ben oui, mais c'est ça, mais ça, c'est rien de garanti. C'est rien de garanti. On va pas. C'est pas genre la saison finie, puis on est sûr de se débarrasser de contrat. Moi, si je serais directeur général, je rachète tout. Je vais faire ça pour aller le chercher. Puis je manque ma shot, je comprends, JF, mais ce que je te dis, c'est que pour réussir à aller chercher Stamkos, avant la fin de la saison, il faut que tu réussisses à te débarrasser de contrats importants. Non, au mois de juillet, pas à la fin de la saison. À la fin de la saison ou à la fin de l'année, je parle. À la fin de avant la saison prochaine commence, il faut que tu te débarrasses de gros contrats. Ça, c'est pas fait encore, là. Ben ouais, mais il faut qu'il le fasse, tabarnak. Ben oui, mais Chris, c'est ça fait... qui est sa job. À part de racheter un contrat qui te fait vraiment chier, je suis pas d'accord. Tu réussiras pas à toutes les passer, là. Ah, gars, je vais te passer Marca, je vais te passer LR, je vais te passer. Je vais te passer Emeline. Il était capable de vendre Book. Puis c'est qui l'autre Moen, tata là, puis Moen, est-ce en dedans de deux semaines, je peux pas craindre qu'il est capable, il est pas capable de vendre mais Markov. Tu peux pas vendre Mallette, n'importe quel joueur, Mallette, n'importe quel prix juste pour aller sur Instagram. Je te demande de me vendre Heller, vas-y man, vends-moi Heller. Centre de un excellent centre de troisième trio qui va pouvoir t'aider en profondeur pendant les playoffs. Ah, oh, où tu es ici. En playoff, man. Le gars, ouais, le job du directeur général, c'est de compter la valeur mais, de ses joueurs. Mais Jeff, par exemple, les autres directeurs généraux, ils voient les joueurs jouer. Ils voient pas les joueurs jouer. Mais c'est parce que les joueurs de centre, t'en as jamais assez. Moi, mes scouts à moi. Ouais, mais les centres, c'est plus. Ouais, mais là, hey, Mallette, tu lui donnes qui? Parce que Eiserman, t'en donneras pas de même dans Stamkos. Il jouera autonome. Stamkos va aller où tu veux. Oui, mais Eiserman, il dort resté au gaz, tabarnak. Il n'y aura plus de droit. Il n'y aura plus de droit. Oui, ils ont encore. Et s'il le fait avant le trade, là, avant là, la date limite des échanges, c'est ce qu'il va faire. Non, mais lui, c'est pas ça qu'il parle. Lui, c'est pas ça qu'il parle. Oui, mais il ne laissera pas aller UFA. Il faut que tu donnes de quoi pour avoir les droits de Stamkos. Ben non, tu n'as pas besoin parce que Stamkos, il s'en calisse. Il va attendre le 1er juillet puis il va crisser son camp. Son agent a dit cette semaine qu'il va commencer à parler aux 29 autres équipes pour voir un peu l'intérêt. Ça, c'est normal, dude. Il n'y a pas un agent qui va dire non, non. Non, c'est ça. Je ne parlerai pas à d'autres équipes, moi. C'est quoi? Puis toute la négociation de la Ligue appelle Eiserman puis ils n'ont pas le choix de le faire ici pour dire hey, c'est quoi, genre, t'as besoin, c'est quoi tu veux, c'est quoi t'espères avoir. C'est pas fort, tout ça. Ouais, non, mais Eiserman, il y a une 7 semaines qu'il n'échangerait pas Stamkos. Fait que Stamkos, il va rester à Stamkos. Ça, c'est un autre move de business. Ouais, c'est ça. Pour dire non, moi, je veux le gagner. C'est là, après ça, son agent dit oh, ben, d'autres, on va parler aux 29 fronts. C'est ça, c'est ça. C'est une game de poker. C'est ça, c'est pour faire un mot de la chair. Je vous dis tout de suite, Stamkos ne signera pas à Tampa. C'est sûr qu'il signe pas à Tampa. Peu importe s'il signe à Tampa ou pas. Il a déclaré cette semaine. Peut-être un 20, man. Peut-être en gagner celle-là, 20 points. Je suis prêt, c'est quand tu veux. Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas assurer ça. Ça, c'est tout le temps des surprises. Écoute, Stamkos a déclaré cette semaine, premièrement, là, je suis sérieux. Ouais. OK. Un peu de silence. Il veut jouer au centre. Il veut jouer pour une ville de hockey. C'est sûr. Il va avoir un gardien de but numéro 1 d'élite dans son équipe. Hey, je t'ai puis il veut gagner la coupe. Je t'écoute, moi. Est-ce qu'il va signer à Toronto? Pas sûr. Je t'écoute, moi, Mallette. Ce gars-là veut jouer à Montréal. Non, non. Ben, Montréal fit le profil. C'est sûr. Il fit c'est le sûr. Profil. Puis pas juste ça. Le meilleur chum de Stamkos. Oh, okay, my God. C'est pas piqué. Est-ce qu'il va avoir au moins un chum dans le locker room? Ben, ben, ça veut dire que si, admettons, Stamkos arrive à Montréal, Charity par son C. Ben, on le sait qu'il est fini la période. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Oui. C'est peut-être juste la grosse magouille. Cette histoire là de marde. S'il prend son C, s'il a causé sa perte, mais là, il y a une maturité. La période est finie, boys. C'est pas son meilleur chum. On s'en parlera tantôt. On s'en parlera à la prochaine période. Ouais. Ouais. Mais là, on a des rumeurs. La période est finie. C'est vrai que Stamkos et Subban, là, tu sais, des petits. Subban, Stamkos. Ça se touche pas. Ça, ce serait cœur pour un Mallette. C'est pas ça aussi. L'affaire, c'est que. Le père a. Qui est gay, puis Stamkos est gay, tout. Le père a deux couples. Ah, mais check le kid sort de là, tu sais, comme moi, un noir avec ça, des ça, yeux c'est... trop bleus. Moi, je pense que c'est ça. Un noir blanc. Le père a piqué, il a déjà coaché Stamkos quand il était jeune. Okay. Là, c'est là qu'ils sont connus puis ils ont commencé non, à mais son découvrir proche en genre Christ, plaisir. Ah ouais, mais son proche, ils ont joué ensemble toute leur jeunesse. Leur mais c'est oui, ça, puis ils vivaient dans le même quartier aussi. Sur ce moment... Dans le fond, Stamkos aime les gros chats. sur ce moment, au mot érotique, on va aller faire un entracte puis on va revenir pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. T'attends, Steve? Bon, on se fait des sujets ou on se dit encore n'importe quoi, là? Ben, je sais pas, t'as-tu fait un show? T'as-tu un pasting? Ouais, j'ai une couple d'affaires ici, ben, parce que maintenant, la deuxième période est la... Fermez donc vos calices de gueule, tabarnak! La deuxième période, c'est la période des extraits audio avec des extraits! Je parle comme Julien Lacroix, des extraits stats. Des extraits. Yesou! Je suis chaud raide au PFK. Alors, commençons par parlons de la blessure de Pacioretty. Pas Pacioretty, Subban. Non, pas Subban. C'est pas Price. Price ou Prost? On recommence Price. Le show? Non, on recommence ce segment-ci. Price est blessé. Oui. Segment-ci. Il y a eu des extraits de Terrien par rapport à Carey Price et sa blessure. Parce qu'on l'a vu cette semaine, personne passée, patiner comme une petite graine. Bon, si ouais. Là, tu sors des rumeurs de laveur de vitre. Non, mais attends, on va passer l'extrait à Terrien avant okay, ça. Fait que Terrien qui parle de Price qui patine, puis il est-tu prêt, il va-tu revenir? Voici ce que Terrien va dire. Bah, encore une fois, lui, il a mangé du KFC. Hein? Des stipulations. Qui va se créer, qui va se dire. Mais si vous verrez Carey Price, si vous verrez la manière qu'il s'entraîne, le travail qu'il met, les heures qu'il met, les efforts qu'il met pour revenir au jeu, revenir. C'est pas pour qu'il y ait une shape de plage cet été. Il veut revenir au jeu, puis il travaille très fort. Comment tu peux travailler fort pour revenir d'une blessure? C'est pareil comme call. Là. Shape de plage, man. C'est sûr que si en faisant genre 2-3 tours de glace par matin, tu t'en rends pas pour avoir une shape de plage. Ah, mais, quand il patine avec son Jofa blanc sur la tête, y'a-tu l'air d'une graine, les gars, un peu? Il a tombé. Je vais te dire, il a l'air d'un casse. Il est terrible. Il a pas l'air habile sur ses patins. C'est le cas de le dire. Non, non, il a la bottine molle. Le patine sur la bottine. Il a les cheveux slack. Il y a les chevilles, mais... les chevilles molles. Là. Ça, c'est par rapport à l'article de Richard Labbé qui avait annoncé à la presse que la saison de Price était finie puis que Price visait le retour à la Coupe du Monde. Fait que les journalistes ont comme... Mais ça, là, c'est de la calisse de marde. Fait que les parce journalistes que le joueur, sont vus juste dans le fond, serait, man. C'est complètement impossible qu'un joueur d'une organisation comme le Canadien, que le goaler est blessé, que personne ne parle de la blessure puis qu'il revient pas pour la saison, pour la Coupe du Monde. Ça, c'est inconcevable que le directeur général puis Michel Therrien accepte ça. T'as ça n'aurait pas de sens. Vraiment. Non, mais tu peux pas viser. Si tu dis je vais revenir au jeu pour la fin de la saison, fine. Tu dis pas je vais revenir au jeu pour après la saison. Non, mais il a dit qu'il aimerait ça. C'est pas ton équipe. Ah, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Prochain, c'est pas son gagne-pain, la Coupe du Monde. C'est pas grave. Il est payé par la Coupe du Monde. C'est ça, il est payé par le Canadien. Ta job, c'est de goaler pour le Canadien. Les gars, moi, je serais le Canadien, je serais content, man. C'est comme ça, il donne une coupe de game vraiment intense qui va être en forme pour le début de la saison. Il arrive au camp d'entraînement, il est en forme. Faut pas juste penser tout le temps aux blessures, là, mané. Il va gauler le gars, là, gars. Si ça va arriver. Sinon, au moins, ça va l'avoir, man, pompé, puis il va vouloir aller pour l'or, puis ça va donner la drive pour la prochaine saison, man. C'est pas fou. C'est comme sa remise en forme. Tu le laisses aller, man. Je suis pas d'accord. Tu peux pas vivre en peur. Price, c'est pas besoin d'une game. Mais c'est quoi le point? Parce qu'il peut se blesser n'importe quand. C'est poche qui. Ouais, je trouve ça. Ça n'a pas de classe de dire que. Tu vas revenir pour la Coupe du Monde quand tu fais partie de l'organisation du Canada. Ouais, mais je pense que c'est plus un timeline de dire quand est-ce qu'ils vont revenir. C'est l'abbé. C'est l'abbé qui a dit ça, pas le Canadien. Hein? Non, mais le Canadien, mettons, autres, dit peut-être, non, mais qu'une peut-être que l'abbé en sait plus, genre, puis il sait que s'il se faut opérer, puis avec sa convalescence. Non, c'est un peu. C'est plus la spéculation qu'en sait plus. C'est ça. Parce qu'après ça, il a été challengé par des journalistes anglophones, puis il a commencé à se rétracter. Il dit « Ah, j'ai pas dit que sa saison était finie. J'ai dit qu'il y a des chances que sa saison soit finie. » Moi, je suis sûr que j'ai pas lu le même texte. L'abbé, c'est pas un scooper. Le Canadien, tant que sa saison n'est pas considérée finie, jamais qu'on dit que sa saison est finie. Si un docteur qui dit « Ah, il y a peut-être une chance de revenir vraiment à la fin », ben, ils diront pas « Ah, sa saison est finie. » Ils disent « Non, il y a des chances de revenir. » Moi, je me fierais peut-être plus au docteur Cromp, question de marketing, on s'en fout là. Mais peut-être quelque chose qui vient d'avant. J'ai pas besoin que l'organisation dise que sa saison est finie. Même le Canadien, le Canadien doit s'en douter qu'il reviendra pas. Mais s'il y a une chance qu'il revienne, plus que le Canadien, moi je m'en doute qu'il reviendra pas. Ils s'en doutent. Ils savent déjà. C'est eux qui savent. Ils savent, puis c'est tout du marketing. Ils ont besoin de vendre des billets, ils ont besoin de vendre du rêve. Nous, on sait que c'est du damage control. C'est pas compliqué, ils vendent du rêve. Non, non, mais les gars, ils se passent une game dans deux semaines. Ça vend pas les billets du Canadien, ça là. Non, les billets sont vendus. Mais c'est même pas sold out. Mais non, c'est même pas sold out à chaque game. Non, le monde se présente pas. Non. Chaque game, il y a des billets disponibles sur le site du Canadien à chaque game. C'est tout disponible. C'est disponible. Ben pour revenir à l'article de Richard, mon beau Richard, il avait même rajouté dans le fond parce que sa source était un membre de l'organisation du Canadien de Montréal, puis il a même dit ça, c'est large en tabarnak, hein. Selon eux autres, dans le fond, c'est plus un coup de marketing qui ont fait ça. C'est tout ce que Richard Labbé a mis dans son article. Là, je prends son nom, je mets dans une enveloppe, puis tantôt je vais réouvrir l'enveloppe. Je crois pas ça. Je vais féliciter mon Richard Labbé, puis on peut choisir l'œuf ou l'enveloppe. Tu as choisi le doigt cette fois-là. Je vais t'avouer, franchement, je souhaite rarement le doigt. Comment ça peut être une opération marketing? S'il y a une équipe dans la NLH avec les Maple Leafs qui n'aurait pas besoin d'opération marketing, c'est Canadien. Ils ont toujours avoir des fans, c'est plein, ils vendent plein de marchandises. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Faut que tu vendes l'espoir. Ils vendent l'espoir, eux autres. Ils vont revenir, qui va sauver la saison, qui vont pas aller playoffs. Mais le monde va être encore dans sa belle. Mais il n'y a pas d'opération marketing avec la blessure à Price, là. Ils vendent en ce moment, c'est l'hostie de statu quo pour le Canadien. C'est pas opération marketing, c'est opération. Tout le monde se met à spéculer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des rumeurs de merde, comme on a un peu plus bas, tantôt on en parlera. Ben, rumeurs de merde, justement, parlons-en à Alexandre Cromp. Des rumeurs, je crois, sur Carey Price avec des sources louches. C'est ton. Hey, c'est ton 3 minutes de gloire, là. C'est le tas de shiny, là. Je sais pas quoi je vais dire ça. Dans un micro. Bon. Il est micro-pénis? Un micro-machine? Non, c'était le fun, ça. Bon, paraît-il que Price, selon des sources que je vais taire, là, mettons un gars qui habite dans le même condo que lui en Floride. OK, c'est correct, là. Que Price, ce type de blessure-là, c'est career-ending. C'est quoi, ça? Ah ouais, carrière terminée. Je savais, c'est la hanche. Ça se pourrait. Je déprime. C'est ça. Mais ça se pourrait. Là. C'est le genre de blessure que certains goalers ont déjà eu et que la carrière est comme en train de faire la passe du dog sucking his own banana. Mais ça serait quoi pour que ça soit ending career? C'est des blessures au genou. Hey, calmons-nous. Des blessures au genou, tu peux pas t'en remettre. Il y a deux joueurs, c'est ça. Problème. Si tu as torn ACL, peut-être que tu as un ligament croisé, peut-être que tu t'en sortiras. Moi, je crois pas. Ça ne veut pas dire grand-chose. Gars, Pacioretty, sa blessure, c'était career ending. Markov, son deuxième fois qu'il a claqué, c'était career ending. Tu sais, ça veut pas dire. Ben, la première fois. La première fois, c'est qu'il n'y a plus de career ending à cette heure, à moins que tu aies comme 10 commotions. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas, ils peuvent remplacer sa hanche. Ils vont deviser quelque chose. C'est le goaler qui avait tant des problèmes aux hanches qui est resté des années. Tous les goalers ont des problèmes. Non, c'est un goaler. C'est juste les Islanders. Picarene, il y avait ça. Non, mais c'est un gros des Islanders. Ah, Rick DiPietro. Ouais. Okay. Comme les Rick DiPietro. Ça, c'est comme les Pietro, c'est complètement autre affaire. Non, mais ça, c'est sa hanche qui lâchait tout le temps, puis c'est à cause de ça qu'il arrêtait. Mais tabarnak, il mesurait 5 et 6. Ça veut rien dire. Puis il pesait comme 100. 5 et 6. Non, mais Rick DiPietro était. Il était bon, man. Il était bon. Non, mais non, mais non. C'est un one hit wonders. Ben oui, ça, man. C'est bien sûr, ils l'ont ralenti. Mais pour revenir à Price, moi, je pense que Price a déjà été opéré. Je pense qu'il a été opéré ou pas, la question reste, le résultat reste le même. Le Canadien ne dit jamais rien, man. Il respecte pas. Ouais, mais une opération, il dit. Ça, c'est dans la convention des joueurs. Une opération, peut-être. Quoi, ça? La convention des joueurs qu'on n'a pas le droit de dire la nature de la blessure parce que ça les. Non, c'est pas vrai. Ça fait baisser ta valeur sur le marché. Tous les autres clubs de la Ligue l'annoncent. Écoute, juste te montrer quoi, j'écoutais RIS, le réseau des informations sport. Puis Luc Gélina, lui. Le RIS, c'est ça. Luc Gélina, dans le fond, il a sorti la liste des blessés du Colorado, puis il a dit « Regardez, tel joueur, il est blessé à cheville, tel joueur, il est blessé à l'épaule, l'autre, il est blessé à telle place. » Puis il dit « Voyez, ici, au Colorado, l'équipe respecte les partisans. » Puis là, il montre la feuille, genre, dans la caméra, puis la caméra, genre, fait un zoom sur la feuille. Puis un zoom, genre, full c'est à vous le dramatique. Puis Chris, il a raison, man. Genre, télévision communautaire. Les autres clubs le disent. C'est un secret de polichinelle. On veut protéger Carey. Dans le fond, tu veux protéger qui, Calis? Ah, mais protège rien. Moi, je parlais de... Je pense qu'il a peut-être été opéré en novembre, là. Parce que sa blessure, ça date de quoi? Novembre? Mais il s'est blessé. Il s'est blessé. Mais novembre... Mais ça, dans le temps, là. Une blessure comme ça avec opération, c'est 6 mois normalement. 6 mois avant de revenir au jeu. Non, eux autres, c'est bien plus tôt que ça. Fait que mettons, c'est plus vite que ça, eux autres. Bien plus vite. Fait que mettons, là, c'était miraculeux, genre, comment il est revenu. Fait que mettons, novembre, il se fait opérer. S'il n'avait pas été opéré, puis c'était une blessure qui se guérit sans opération, il aurait été sur patin et avec équipement bien avant février, d'après moi, trois mois après. Avec équipement, je ne sais pas, parce que goaler, c'est touché. Trois mois après. Mais là, normalement, opération, c'est plus long. Novembre, on l'a pas vu. Décembre, on l'a pas vu. Janvier, on l'a pas vu encore. On l'a vu en février. Janvier, il n'a pas patiné encore. Fait que février. La première fois qu'on l'a vu, c'est qu'ils l'ont sorti quand il y a eu la fin de janvier. Février, il commence à patiner avec son Jofa puis il patine comme une graine. Puis il y a aucun équipement. Peut-être l'opération, ça serait. Ouais, mais on ne sait pas c'est quoi son trouble. On sait pas. La blessure ouais, est. Ben, c'est jamais parce qu'ils ne disent rien. C'est... Quoi, c'est okay, pas ok, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? La hanche ou le genou? Mais c'est le genre d'affaire que tu veux pas avoir. Parce que, mettons, on dirait à la hanche, je suis sûr qu'il y a des blessures à la hanche moins. Parce qu'à hanche, Alex, ton style papillon, c'est rough. Ouais, mais il doit en avoir des moins graves puis des plus graves. Au jour, ça peut être plus grave puis moins grave. C'est ça, c'est tout rough, man. Les deux, ça change rien. On va spéculer là-dessus quand même. C'est ça, on le sait pas. C'est-tu déchiré au complet ou pas au complet? Je te disais juste pourquoi je pense que. Il aurait peut-être été opéré parce que je trouve que c'est long avant qu'il soit même sur patin. Là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils disent quoi? Faut qu'ils disent exactement. Je pense qu'ils sont pas transparents. On va arriver en mars, il n'est même pas occupé encore. Mais s'il avait été opéré, il l'aurait dit. Mais c'est déchiré. On arrive en mars, puis il n'y a pas eu d'équipement sur lui encore. Ouais, on est loin de retour au jeu. Ouais, parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas, puis ils font juste comme garder en shape. C'est un torn ACL. C'est sûr c'est un torn ACL, ou un ligament que le ligament croisé derrière. Moi, je sais que moi, je suis pas docteur, je sais que ça. T'es pas obligé de te faire opérer. T'es pas obligé de te faire opérer. Si tu fais de la physio, puis tout, puis renforcer ta jambe, pas docteur, ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais ça fait mal. Si tu n'as pas opéré, ça, c'est le genre d'affaire, là. Que si tu le fais pas opérer et tu le fais pas comme remplacer et tout ça, t'es ben pas obligé. Ça va tout le temps. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont des tournées ACL qui sont pas opérés. Même des skieurs, man, professionnels. Il y a des skieurs qui en ont même plus d'ACL non plus. Il y a des skieurs, man, d'alpin, ça roule en tabarnak et ils n'ont pas d'ACL. Les ligaments intérieurs croisés puis les tournées ACL, toutes ces affaires-là, man. Aujourd'hui, là, quand ils t'opèrent ou quand ils n'ont pas besoin de t'opérer, ils t'opèrent pas puis tu peux t'en sortir très bien, puis revenir au même niveau que les ligaments croisés antérieurs. Puis quand ils t'opèrent pour ça, man. La plupart du temps, à cette heure, tu reviens, genre, top notch. Ouais, genre, mais moi, je connais quand même. En tout cas, mais pour patiner dans la Ligue nationale, là. Des athlètes de haut niveau qui se font opérer, man. Puis ils continuent à performer après, là. C'est comme ça. En tout cas, pareil, bref. Bref, pareil, qu'il revienne, bref ça, lui, ça si le Canadien parlait, il n'y aurait pas toute la spéculation qu'on aurait pendant ce moment. C'est vrai. Non, mais maintenant, tu vois-tu. C'est un bon truc. C'est un bon truc. Ça fait parler le monde. Il y a encore deux discussions. Deux mois, man. Toi, ça te prendrait plus que ça avant de revenir. Oui, de toute façon, c'est stéréo. Deuxième extrait. Conspiracy Theory. Deuxième extrait. Ils ne sont pas ces stéréos. Ils sont sur d'autres choses, mais. C'est pas des stéréos, mais deuxième extrait, Terrien nous parle des types de joueurs dans le Canadien puis que les joueurs doivent être les sur des chaises. Là. Jeff, c'est ton extrait qui m'a donné ça. Fédrine à côté. On va écouter son extrait à Terrien puis on en parlera après. Chaque joueur, ça doit être un peu dans leur chaise puis ils décident dans quelle chaise qu'ils vont être. Ben merci. C'est important que si tu es un joueur défensif, il faut que tu sois bon défensivement. Si tu es un joueur qui est catégorie offensif, mais faut que tu produis offensivement. Le problème de certains joueurs, c'est qu'ils veulent être bons dans tout, mais ils n'accomplissent pas grand-chose. Quoi? Donc, tu sais, un gars comme Jacob, on sait exactement dans quelle chaise. Jacob de la Rose? C'est un gars qui va être bon défensivement, qui va tuer des punitions, mais il est pas bon qui est capable de jouer soit à l'aile, soit au centre. Il y a beaucoup d'attributs que tu as besoin d'un joueur comme ça dans une équipe. Et on continue à travailler avec. C'est des bonnes assiettes. Bon, ça. OK, ça, on va se le dire tout de suite. Là. Ça, c'est le discours comme du politicien qui remplit du vide. Là. Pour vrai, là, ça, c'est fort. Je sais pas c'était quoi la question. Il fait de la politique. Pareil comme dans la politique, genre quand ils disent qu'est-ce que tu veux. Il répond pas. Il répond tout sauf la question. Il répond rien. Tu sais, quand tu dis qu'un joueur qui doit être bon offensivement doit être bon offensivement, tu dis rien, Carl. Un joueur offensif doit être bon offensivement. Un joueur défensif doit être bon défensivement. Tabarnak, man, j'ai eu une épiphanie, man. C'est dur être coach. Non, ça, c'est le coach qui a plus rien à dire. Mais il y a quelque chose qui a dit que j'ai pas sûr d'avoir compris. Là, ben, la question. À peu près au milieu de la phrase, il a fait comment. Catégorie Z. Non, il a dit d'autres choses avant ça, je pense. Non, ben, il a dit que chaque joueur doit être dans son style. Après ça, il a dit il y en a qui essaient d'être bons dans tout puis sont bons dans rien finalement. Il disait des joueurs, c'est sûr. Parce que la question, c'était est-ce que tu trouves que tes vétérans en donnent assez? Fait que c'était quelque chose dans le genre. C'est ça la question? C'est ça la question. Fait que là, quand ça parlait de sortes de joueurs, tu sais, il y en a qui faut que tu sois bon défensivement, d'autres faut que tu sois facilement. Ça, c'est des rumeurs, là. C'est ça qu'il a dit. Okay. C'est ça qu'il a dit. La rumeur, c'est dans le fond, Dernay, lui, ça serait quoi? Genre un bon défensivement ou un bon offensivement? C'est un bon ninja. C'est un offenseur. Un bon à se fracturer le pied de 3 semaines. C'est un offenseur, il doit être bon offensif. C'est un bon défensivement. Il s'en va sur une saison, même pas en bas de 30, en bas de 30 points. Je t'ai répondu, c'est un bon centre défensif avec une bonne passe au powerplay. Dernier. Ouais, c'est juste ça qui sert. C'est malade. C'est un centre que tu vois. C'est correct, fais ses bons replis, Dernier. Tabarnak. Bon, puis là, cette semaine, le dernier point, c'est. Bien sûr, c'est parce que tu l'haïs. Non, je l'haïs pas. Il est dans ses petits qui n'ont pas de mais c'est un nasty de passeur. C'est un très bon passeur. C'est pas vous un gars, c'est comment il est de la merde. N'importe quoi que je pourrais dire. Non, il fait aucunement quelque chose. Il est bon passer à bleu quand il n'est pas sur le cul, puis qu'il réussit à passer une passe sur le tape à quelqu'un. Parce que oui, man, c'est un bon passeur. C'est un gars qui va en arrière de la bande. C'est sûr qu'il va être sur le cul, il va sur le bord des bandes, lui. Puis Chris, il est 5 pieds 8, si, mais il va sur le bord de la bande. Non, non, il est 5 pieds 8. Contrairement à d'autres, comme le capitaine, que lui, il va pas sur le bord de la bande. Lui, il reste entre les deux. Il a 5 pieds 8, esti, mais il faut qu'il aille dessus. Ouais, mais là, il va plus dessus. Puis en plus, il l'a admis, il y a deux semaines, quand ils l'ont mis avec Pacioretty, ah, ça marche pas bien, bien, vous deux, il dit, ah, je sais, j'ai tendance à trop le chercher sur la glace. Esti, réveille-toi, Chris Innocent. Non, mais il fait tout le temps ça. C'est sa job, là, c'est de faire gagner l'équipe. C'est pas de trouver où il a mangé de pain de graines d'un coin, esti, le coach, il manque quoi? Mais là, t'arrêtes de se pomper tranquille. Ah, ok, fait que le coach, ça revient. Mais moi, je suis chez je te dis, trouve Pacioretty, t'es là pour y faire la bonne passe pour en partir. Allez, je suis chez toi. Ouais, mais c'est parce que t'as un autre gars, l'autre bord aussi, là. Ouais, t'as dit ça, pis t'es mon joueur, qu'est-ce que tu vas faire? Là, Mallette, comme toi, c'est le poulet popcorn qui parle. Là. Non, mais tu penses que les joueurs peuvent décider n'importe quoi. Dernier me fait chier. Là, faut passer au sujet de Subban parce que c'est le gros sujet cette semaine de marde, là. C'est quoi bon, ça? Qui a fait supposément perdre la game contre Colorado cette semaine. Ouais, mais ça a commencé avant ça. Là. Non, mais là ça a comme. Oh, il y avait non, ça a commencé avant ça. Il y avait une grosse campagne. Fournier, il a parti. Ouais, il y a eu une grosse campagne un de salissage. Un peu ben, comme. Pas, ben, c'est pas dans le salissage, mais il y en a commencé qui l'aiment. Le semi-salissage, son point, c'était genre, c'est, il disait, dans le fond, au bout de son point, il disait, admettons qu'on m'offrirait là, un trade one-on-one, Subban Stamkos, je le ferais. Ça, c'est Ron qui a parti ça. Ouais, ça, c'est Ron qui a parti ça. 98 puis là, après ça, il y a eu la game contre Colorado. Puis à la fin de la game, il y a eu un point de presse. En même temps, quand je check ça, c'est tellement un commentaire mauvais. Parce que ah, mais Terrien. Ben, je veux qu'on écoute le commentaire de Terrien avant, puis on en parlera. Là. Ben, moi, je trouvais que l'équipe travaillait très fort. Méritait sûrement un meilleur sort. On a joué en équipe. Ça a pris une erreur d'un jeu individualiste. Qui a coûté le match de ce soir. On a perdu à cause de ça. Ouais, mais t'as rien, il a callissé Subban direct quand tu dis boss. Là, avec ça. Mais oui, mais ça ouais, commence à cause. T'en as d'autres. Excuse-moi, t'as-tu l'extrait de Heller et tout? Non, je l'ai pas. Heller, il a dit quelque chose de similaire. Mais Heller, là, il a dit direct la même affaire. Il a comme talk, jeté sur le play de Subban. Ouais, mais on s'entend-tu qu'Heller, là, t'es le premier qui devrait fermer sa callisse de gueule. Ouais, c'est sûr. Ça fait 8 ans que tu joues dans la ligue puis tu fais 30 points par année. Ouais, c'est... mais sais-tu quoi? Ouais, mais ça te prouve un affaire. L'affaire que ça te prouve, Mallette, mais l'affaire que ça te prouve, c'est que c'est la discorde qu'il y a entre les joueurs. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas. Ouais, ça, parce que tu selon Ron, jamais le vestiaire serait divisé. Divisé en deux. Ouais, mais. Subban et les autres. Mallette, moi, ça répond un peu à ma question que, gars, Heller, là, il a fait quelque chose qu'il n'a pas dû faire. Puis je trouve que c'est comme. Tu fais pas d'accord? Ça avec un tes players, man. Mais regarde, c'est pas un leader. T'es dans cette équipe-là. Vous êtes dans cette équipe-là. Puis il y a un gars, comme mettons, Dave, ouais. Il fait ça. Puis là, il passe devant les journalistes. Puis il dit, ah non, on vient de perdre en équipe. Puis tout. Lui, là, il a juste la vérité. Il dit, effectivement, c'est la faute à Dave qu'on a perdu la soirée. Big deal. Ça veut pas dire la Discord, man. C'est Chris. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Non, lui, tu fais pas ça, Alex. C'est pas nécessaire de dire le pas de même. Je suis pas d'accord parce que tu veux. On se protège à nous. Tu vas protéger ton équipe. Ouais, mais même Subban, il l'a dit que c'était sa faute. Ouais, puis Subban, c'est vrai que le joueur l'admet. Il parle blanc. Subban, il a pris blanc. Bryce, il l'a fait du blanc. Subban a parlé comme il disait que moi, je suis un joueur qui prend des risques. Moi, c'est mon style. Il a dit c'est mon style de jeu. Ça sort sur le blanc. Il a dit c'est mon style de jeu. Ça va arriver. Puis si je joue pas de même, je me sors de ma game. C'est ça qu'il a dit. Ça, il a pas fait raison. Je dis pas qu'il a pas raison. Il a pas fait de meilleur culpa, là. Non. Puis il a dit qu'il s'excusait pas. Que ça... Ouais, mais viens dire, ça fait partie de mon style de jeu de faire des erreurs. Ouais, mais c'est pas s'excuser. Donc, il a c'est fait une erreur. C'est genre, c'est comme. Ben, ok, ouais, là, quand je chauffe sous, là, c'est comme j'ai pas le choix. Là, je chauffe pacté puis je ramasse une couple de personnes. Vous autres, pensez-vous comme Chicone? Pensez-vous que Subban aurait fermé sa gueule? Non. J'ai un extrait de Chicone ici au 91-9 pendant que Jeff prépare son doigt. You can't feel sorry for yourself or for anybody else. You just have to play your best hockey and find your way. You're to say you can't feel sorry for yourself? Ouais. Lors du dernier match, dans le filet désert, il filait pas mal sorry, lui. Pour himself, là. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est correct. Mais honnêtement, je te dis, là, moi, je pense que Piqué est un des meilleurs talents de la Ligue nationale, là. Mais sacrifice, si j'étais joueur avec lui dans le vestiaire, là, je serais plus capable. Je serais plus capable. Je dirais, veux-tu fermer ta gueule? fini. L'extrait a comme coupé ça. Je vais continuer, t'espère. Ta gueule, plus capable de t'entendre. Plus capable, arrête. Arrête. Fais ce que t'as à faire sur la glace, reviens, arrête. Arrête. Oh, là, on est dans marde. On est dans marde, arrête d'en rajouter. Arrête de nous faire la leçon. On sait tous ce qu'on devrait faire sur la glace. On peut-tu dire à Enrico Ciccone de fermer sa gueule? Hey, ça, si c'est passé à loser en esti, hein? Oh, j'y avais le doigt. J'ai juste à dire. Chico. Asti d'épée de calice. Premièrement, t'as joué 10 ans dans la ligue. T'as fait 8 clubs. 374 games. Tu dis que t'es un ancien du Canadien. T'as juste joué 3 calices de game, asti. T'es même pas un calice de pro, tabarnak. T'es talent, calice. T'es mauvais. Tu t'es fait mettre dehors de TVA Sport parce que t'es mauvais. T'étais agent de joueur dans le junior, puis t'ont mis dehors parce que t'es mauvais. Là, t'étais au 91-9. T'es un Chris d'imbécile, asti. Toi, Ron Fournier, ta gueule avec tes crises de rumeur, asti. Le concierge là, à qui tu parles, ça fait 20 ans qu'il a pris sa retraite, Chris de Caf. Pis l'abbé, là, mon essai que ton look de Jean-Jacques dans Causing Bar, là, peigne-toi, tabarnak! Bon. Ben, Ron, quelques points là-dessus. Fais pas que le prophète. Bravo, JF, pour ça, on va remonter ton volume. Bon. Il y a une couple d'affaires là-dedans là, qu'il faut parler. Premièrement, l'abbé, là, je l'ai félicité moi cette semaine parce qu'on est allé au franc-tireur. Lui, François Gagnon, c'est dans jaune. Pis, avec ton look de cruising. T'es carrément, ça avait déjà mon compte. Puis JC Lajoie, puis on parlait un peu du CH. Puis c'était une bonne entrevue du Trésor qui a bien fait ça. Puis c'était bon, je trouvais. Ils ont dit les vraies affaires. C'était pertinent. Ben, c'est franc-tireur. Ils ont pas roulé la cassette pour une fois sur le CH. Puis il y a une affaire. Non, l'abbé, t'as vu comment il est hésitant à répondre? Est-ce qu'il est trop clean, là, ce gars-là? Là? Tout le temps. C'est d'être clean, ouais, mais. Bien oui, ben le CH. Lui, c'est un hater du Canadien, mon gars. Wow. Mais tu sais, ils ont dit qu'à Star, le CH. Négatif. Quand les games finissent, ils laissent 2-3 gars répondre aux journalistes. Les autres, ils sont comme. Allez dans l'autre vestiaire, puis allez vous cacher, là. Ah, mais ça, fait c'est normal. Fait que, tu sais, l'autre, Chico, il y a deux vestiaires, ça a l'air. Chiconi qui dit, ferme ta gueule, puis Souban. Chris, c'est lui qui envoie parler aux journalistes, il fermera pas sa gueule, là. C'est souvent la capitaine, puis les assistants. C'est ça. Ouais. Des fois, le goaler, c'est une belle game. Femme ta gueule, Subban. Ben non, il se fait poser des questions, puis il répond. Ben, je m'excuse pas, je fais une erreur, ça arrive. Il y a un gars responsable des médias chez Canadien. Puis il dit, OK, c'est Canadien Pacifique. Puis le coach, il doit avoir son mot à dire des fois et tout. Mais l'histoire de Subban, c'est une tempête dans un verre d'eau. On s'entend, le gars, il a fait une gaffe, mais qui a pas fait de gaffe? OK, il a juste mal choisi son mot. Personne qui a bâché contre lui. Oui, le club a un slum de marde. Puis oui, il a fait une erreur, puis c'est pas le bon moment parce que tout le monde joue mal. Mais après ça, tu sais. Non, mais il y a là le problème, c'est que là, tout va mal dans l'équipe, fait que tout est monté, esti. Non, mais c'est parce que. Une petite affaire, mais tout est monté en. On dit pas que Scrivens laisse passer des esti d'ompes, là, puis que c'est une passoire. Ouais, mais les défenseurs en avant de lui sont dégueulasses. Tout est dégueulasse. Tout joue mal. Mais qui joue bien? Qui joue bien? Qui tu pourrais ne pas blâmer? Tu peux blâmer tout le monde. Fait que Subban fasse une erreur, fine. Oui, il a fait un peu perdre la game. Mais tu sais. Non, il a pas fait un peu perdre la game. Il a fait perdre la game. Ben, non, maturity, il est pas 100%. Ouais, mais Souban, s'il avait pas fait ce move-là, il aurait pas eu à avoir tout ce style de recul. Je suis d'accord. Tu sais pas ça. Ça se peut que la game, il aurait perdu 4-2 si Souban avait réussi son jeu pareil. Là. Oui, il aurait gagné. C'est pas ce qui se serait passé. Ouais, mais c'est trop risqué. C'est à Souban, c'est à Pêcheux de faire son crise de back-check ou si c'est push à Souban de. Je sais. Ouais, mais c'est 5 secondes en territoire. Ça serait pas sérieux, là. Non, mais là-dessus, il y avait une crise de chier là-dessus. Dégueulasse, les médias, pour ça, pour une niaiserie. Là. Mais les photos de Michel Bouchard, c'est lui sur Twitter. Ben, tu sais, 3 contre 3. Ben, tu vas très bien pendant 3 ou 4 secondes dans la zone. C'était 3 contre 3. Ils ont eu le temps de faire une pause. Son erreur a mené. Au but, mais c'est fuck avec t'sais. La rose. Paturity, c'est fuck avec la rose. Il y a une confusion, un problème de. C'est pas une confusion, c'est lui qui a pas circulé, man. Non, problème de communication parce que ces deux gars, ils ont comme couvert le mauvais gars. Alors, hey, ben, donc, ils ont fait un mauvais hockey, repli défensif. Donc, ils font partie de l'erreur. Ils ont alimenté l'erreur de Subban. C'est pour ça que Subban a causé le but, mais Subban n'a pas donné la poque sa palette à un gars devant le net. C'est pas une erreur de même. Si Subban n'aurait pas fait cette erreur-là, il aurait pas eu ce mauvais Subban, en fait, il n'y a pas fait. Une passe Subban à palette, a fait l'erreur initiale. Okay? Subban est tombé, tabarnak. C'est le pire crise de play que tu peux pas faire. Jouer sur ton back-end, man. Si quelqu'un s'en vient avec deux sticks. Qu'est-ce que t'as mieux? Si tu jouais la crise de bois, tu perds la poque. Quand quelqu'un réussit avec deux sticks, c'est ton stick, man. Tu tiens à bout de okay. Même. Mark a raison. L'erreur de Subban, c'est pas de faire ce jeu-là. L'erreur de Subban, c'est de faire ce jeu-là quand c'est 2-2 en fin de troisième. Ouais, c'est peut-être ça l'erreur de Souben. Parce que si c'est 3-2 pour l'Avalanche puis qu'il fait ce jeu-là puis que ça marche, l'erreur, on n'en parle pas. Moi, je le regarde avec son crise de bâton là, à une main. Là. Puis, je m'excuse. C'est ça, le si qui lève ses patins dans cette équipe-là. Si Souben fait ce jeu-là puis c'est 3-2 pour l'Avalanche puis que ça marche, on n'en parle pas. Combien de fois on a vu Souben justement faire son decky ou genre la patin avec une main sur le bâton? Non, mais sa main sur le bâton et aussi que ça a marché souvent. Plusieurs fois par game, ça marche. C'est le pointeur du Canadien. Oui, je le reconnais, Alex. Ben oui, des fois, ça marchera pas. Le timing est mauvais en tabarnak. Puis là, il était sur le timing est mauvais. C'est pour ça que je te dis que son erreur, c'est la décision de le faire à 2-2 en fin de troisième. Moi, personnellement, son erreur. Regarde, Dave, moi, personnellement, longer la ligne bleue, parallèle à la ligne bleue de même, avec une main sur le bâton, c'est dangereux. C'est le pays qu'on liste de plis. C'est dangereux, mais si tu réussis, ça peut être payant. Quand les deux défenseurs sont dans la zone, c'est dégueulasse. Quand c'est 2-2 ou que tu mènes dans une game, je suis tout à fait d'accord. Tout le temps, c'est un jeu risky. Si tu perds, Esti, puis que tu fais ça, puis que tu te donnes une chance, il y a une tempête dans le monde. Surtout que le Canadien, c'est pas comme si t'avais des scoreurs. Si tu prends pas de risque, tu scores pas. Même si tu mènes la game 3-2 à la deuxième période, c'est un mauvais risque. Non, je te parle dans une situation où t'es perdant. C'est pas un mauvais risque. Même si tu mènes, c'est un mauvais risque. Faire ce play-là, c'est un mauvais risque. C'est pas ça que je te dis. Selon moi. C'est une chance à prendre. C'est pas ça. Toi, tu veux dire si t'as rien à perdre. T'écoutes pas ce que je te dis. Dave, tu veux dire si t'as rien à perdre. Si tu perds la game, puis t'as rien à perdre, puis que tu fais ce jeu-là. Ah oui, si tu perds la game. L'Avalanche mène 3-2, puis que tu fais ce jeu-là, puis que ça marche. Puis t'es dans un petit dent de ton bord. Ben, si t'as des empty dents de ton bord, ouais. En même temps, s'il réussit à faire ça, s'il réussit à faire son move, Grigorenko, il est sorti de la game, right? Il est sorti du jeu, puis il peut faire quelqu'un de libre dans la clave. Que ça. Mais, le jeu n'aurait pas mené à tant que ça. Son erreur, c'est de l'avoir faite à 2-2 en fin de troisième. Puis s'il réussit son play, il réussit son play à 2-2, il va scorer. Il fait un esti top shelf. Là, t'es comme, ah, c'est-tu que Subban, il est hot, man. Tu sais, t'aurais dit ça. Ouais, quel jeu spectaculaire. Ben, c'est parce que Subban, c'est un risque. Ben oui, il a pris le risque. Il aurait pu gagner gros, il a perdu gros. Ce que je veux dire par là, c'est que Subban, avec les skills qu'il a, Subban, c'est pas un grand passeur. OK? Mais fait là, que quand même, qu'il réussit à tout le monde. Il est un bon passeur. Un très bon passeur. Non, c'est pas un super bon passeur. Mais oui. Mais comparé à Markov, non. Ah, c'est juste qu'il y a comme quoi. Markov est un. Markov est un. Non. C'est pas un bon passeur. Non, parce qu'il est tout le temps sur powerplay puis il joue 30 minutes par game. Il passe la puck puis il se rend du bâton. Mais quand tu joues 30 minutes par game, t'es joueur qui est le plus souvent sa patinoire. Oui, t'as plus de chances d'avoir de l'argent. C'est un excellent passeur. C'est Gilbert qui est plus Markov. Ça, Carlotte, t'as rien là, de faire jouer Gilbert avec le plus de temps de glace. Ben oui, 24 minutes, puis Souban, il y en a eu 22. Ouais. Mais dans le fond, tout ça pour dire, là, moi, je pense que Therrien, là, okay, il a le style d'entraîneur défensif, puis notre défensive est à chier, puis je pense que les joueurs sont tannés. Ils n'ont plus le goût. Genre, ils vont jouer leur game, mais ils s'en calissent, puis je pense que Michel, il a beau travailler puis essayer de préparer les équipes parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est payé pour le faire. Mais je pense que le message passe plus, Chris. Ça, c'est comme la théorie du barbecue, tabarnak. Si t'allumes ça dehors, t'allumes pas ça dans le sous-sol, esti. C'est pas compliqué, le GF, système de jeu. GF? Ouais. Où c'est qu'on est rendu présentement au nombre de défaites de ce GF, qu'on est rendu? Écoute, je connais ce proverbe. Non, donne-moi deux minutes. Là. Ça va être moins après. Peux-tu avoir deux secondes? Vas-y, Alex. Normalement, c'est le au nombre de défaites de suite qu'on a vécu, on a 23 défaites dans les 34 derniers matchs. Là. Ça n'a même plus rapport, le système de jeu du coach. C'est la fierté des joueurs. Puis, je veux dire que le coach se demande de jouer n'importe comment. Mané, en tant que joueur, là, tu dois être écœuré de perdre. Oui, je pense que Lyon est au vache. Sinon, tu n'as pas de colonne. Fait que Mané, tu vas-tu décider à donner de l'effort? Ils vont-tu parler entre eux autres? C'est pas le coach qui va faire ça. Là. C'est la job à qui de préparer l'équipe. Avant non, à un c'est au capitaine pour ah non, mais Chris, le step de jeu. Préparer l'équipe, à un moment donné, ça donne plus rien préparer l'équipe. Il y a des coachs qui sont faits mettre dehors pour moins que ça. C'est quand même, ils font bien pour mettre dehors, man. Ben, ça donne rien de le mettre dehors. Ça il règle vraiment pas gun, le problème. Bergevin, puis il va couper son bateau sur le chemin. La saison est dans la toilette. Pourquoi qu'on changerait ça là? S'ils veulent les crisser dehors cet été, ils peuvent. Mais je vois-tu vraiment la nécessité? J'espère qu'ils vont le crisser dehors cet été. Ça donne quoi? Mais GF, ouais, mais ça va arriver. En février, ils connaissent le plan de match, le jeu, le système de jeu. Il est censé être acquis, calvaire. Le gars, c'est il en février. Mais ben, c'est ça le problème, c'est pas ben, Therrien. C'est pas Therrien. Le système de jeu a fait ses preuves au début de l'année. Okay. Les joueurs ont décidé de se pogner le cul après la blessure de Price. Moi, tu me proposes un système de jeu, tu me dis, joue pas de même, joue de même. Ah, ça se peut-tu que je fasse comme, hey man, c'est ben, un système de jeu marchait au début de l'année. Un joueur individualiste qui connaît ça. Moi, je te dis, l'équipe, elle joue de même. Je m'en calisse ton style de jeu. On a gagné toutes nos games au début de l'année. Toi, là, t'es droitier, puis je te dis, prends toutes tes affaires de la main gauche. Ouais. Ah, ben, tu vas faire comme Chris, pas moi, c'est pas mon style. Je m'en fous. Ouais, tu t'adaptes à l'équipe. Tu joues en équipe. Ben, ça c'est individuel. Ouais, mais tu joues en équipe, Marc. D'une game d'hockey, ça se joue en équipe. Ça se joue pas tout seul. Si tu veux jouer tout seul, man, va jouer. Ouais, mais je comprends. Mais admettons que toi, t'es allié droit, là, pis dis, moi, je suis un allié gauche. Tu veux-tu jouer dans la Ligue nationale? Veux-tu jouer dans la Ligue nationale? Tu joues à gauche. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est terrien. C'est du classique terrien de mettre deux joueurs pas bonne place, là. Non, mais c'est ce que je te dis. Un système de jeu, c'est ce que je te dis. Un joueur peut être en tabarnak contre un coach. Dis, écoute, tu m'as benché. Il y en a des bien pires que moi, Calis. Ouais, ouais, mais attends. Pourquoi tu me benches moi? Si un défenseur. Ben là, si un défenseur droitier a joué à gauche parce qu'il nous manquait des joueurs de ce bord-là. Non, non, mais je donne ça par pur exemple. Admettons, là, toi, là, t'es meilleur scoreur, te déranger. Puis je te dis, ou moi, là, je suis quelqu'un là, qui score au début de ce temps-là. Là. Pourquoi je joue pas sur le power play? Pourquoi tu fais tant jouer lui? Moi, je trouve que le Armin, mais le pénalise le moi, capitaine. Lui, joue comme la moi, je trouve ben, que le capitaine. Parce qu'il y a des joueurs qui pensent individualistes. Mais le capitaine, they give in to that. Oui, mais Chris, ils veulent ça. Ils veulent ouais, ça parce que c'est le contrat. Fait que tu veux-tu ça? Fait que là, c'est justement, le coach, il a tellement peur qu'il dit « Ok, c'est beau, je vais faire jouer sur le power play. » Mais en même temps, Chris, fait que là, quand le petit gars, il est plus content, mais là, on devrait crisser le coach dehors. Mais en même temps, fait que tu veux dire qu'on devrait encourager ce type de comportement-là. Parce que là, les joueurs, ils ont gagné. C'est ce qui se passe, les joueurs Alex, ont gagné. On joue comme que moi, je veux jouer. C'est ce qui se passe d'une champ. C'est ce qui se passe que les joueurs, ils jouent pas, puis le coach, à un moment donné, parce qu'il y en a en tabarnak. Fait que c'est ça. Fait que moi, je montrais, vous allez jouer pour ce coach-là, sinon, des calices. Ouais, mais ça marche pas. Tu vois, il a essayé de le faire. Ouais, ça mais qu'ils finissent dans la cave. À un moment donné, ça va toucher leur orgueil. Mais c'est vrai. Moi, je suis 100% d'accord avec Alex parce que. Tu sais, le coach, c'est le boss. Puis si le boss il te dit tu travailles de même, mais ben, tu travailles de même. Parce que sinon, il a raison. Non, parce qu'après ça, tu vas avoir des esthétiques princesses qui vont dire le coach, ouais, mais pas moi, le là, boss. Oui, mais moi, j'aimerais ça jouer tant de minutes par match. Puis j'aimerais ça être à droite. Puis j'aimerais ça jouer avec lui. Mais si le coach il dit oh, ouais, c'est cool, tu vas jouer de même parce que tu veux, ben, esti, après ça, il n'y a aucune crédibilité. Ok, le coach, c'est ce que je veux dire. Le coach, c'est peut-être pas le boss. Le coach, c'est peut-être pas le boss, mais c'est ton superviseur de projet. C'est lui qui supervise le tu crois en lui. Ben, il faut que tu crois en lui. Si toi, tu crois si ton pas boss en lui. À job, tu le trouves cave, là. Vous avez manqué la seule bonne nouvelle de la soirée. Ben, c'est lui qui te paye. Qui? Gilbert est blessé. Ben, c'est pas moi, coach. Ah, pas vrai? Mais ouais. Toi, c'est CSN, mais. Live. Si on est dans la merde, tu bandes, va jouer plus longtemps. Ouais, mais Chris, tu comprends. C'est lui qui te paye, esti. Moi, si mon boss, il me dit, fais ça de même, ben, tabarnak. C'est lui qui me paye. Il m'a fait ça de même. Ah, moi, je peux l'ostiner un peu. Ben, je vais l'ostiner, mais en bout de ligne. Tabarnak, c'est fort, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, mais quand tu travailles pas en équipe, c'est pas pareil. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que t'es les gars. T'es rien, c'est peut-être un problème. Ok, vas-y. Mais je veux qu'il finisse son point, là. Puis... Moi, je pense que là-dedans, dans tout ce qu'on parle, là, je pense que c'est le problème du capitaine puis du leadership pas mal plus que le problème du coach. Ça que se pourquoi, peut. C'est parce que là, on pourquoi il n'y a pas d'étincelle, pourquoi ça marche pas. Moi, je suis convaincu que le système de jeu est compris à qui il a fait ses preuves, que les joueurs ont décroché, qu'il n'y a plus personne dans la chambre qui est prêt à se lever. Ben, son système de jeu est basé sur Price, dans le fond, puis Price est plus là. Un système de jeu basé sur Price. Une équipe qui aurait Price. Une autre équipe qui aurait Price, il y aurait le système de jeu. C'est où tu as étudié tes systèmes de jeu, man? Le système de jeu est basé sur Price. Tabarnak, t'as pas étudié le système de jeu? Non, mais où je suis d'accord. Le système de jeu est basé sur sa défense. Sa défense, pas sur Price. Pas de but. Non, mais oui, surprise. Les gars, on laisse Price faire les saves. Ouais, les gars. Quand la poque est lousse, allez-y. Ouais, mais c'est ça les stats de Price. Où j'en jouais un peu, Marc, là-dessus. T'as raison, c'est rien ce genre de trappe. La période est finie. Où j'en jouais un peu, Marc, là-dessus, c'est pas que nécessairement que c'est le système de jeu de Price, mais c'est Price a quand même une crise d'influence. Ben oui, on le voit. Le Canadien ça fait toute une différence. Le nombre de games qu'on a scoré un but, la confiance de l'équipe est ébranlée bien raide présentement. Oui, puis en plus, on a un team de marre. C'est pas ça ma question. C'est pas juste une question de système de jeu, c'est une question de confiance. Faites juste enlever les buts dans les deux derniers mois. Les buts que Camden. Puis que. C'est pas ça mon point. Tabarnak, c'est qu'on score pas des games de 1. C'est pas Camden ou Price le problème. Ok, fais juste enlever les buts là, que les gars se sont fait scorer dans le 5-0. Ok? Non. Juste ça. Déjà là, t'as un ou deux buts de moins par game. C'est pas ça mon point. Fait qu'on gagne 1-0 tout le temps. Je comprends ton point. Ok, mais t'as peur. Fait que tu gagnes pas plus de games parce qu'on en score pas. Ouais, ça arrête tout après, puis ça s'en va en fusillade, puis ça s'en va en overtime. Décroche, calice, là. Décroche ton point. Désagréable. Ben bref, on parlait de Subban. Fusillade de 10 gars, puis. Fait dans le fond, Alex, t'as dit qu'on a perdu quoi, 23 games sur 30? Je pense que j'ai. Puis la game que Subban fait une erreur, c'est celle-là qui est dans les médias, puis qui est rapportée, puis qui est comme ils font du spin. Est-ce que média à merde ouais, de Montréal? Ouais, mais c'est parce qu'ils ont parti la merde avant. Puis là, c'est arrivé en même temps. La couve de Subban est arrivé. Mais Subban a déclaré, il a dit, je sais que je vais dans les tempêtes à Montréal, puis je m'en attends, puis je m'en fous. C'est comme amener les tempêtes, puis je vais être votre solution, je suis pas votre problème. C'est possible, le rendu là. C'est ça, mais c'est bien correct, là. C'est un guerrier, Subban. Eh oui. Puis il a changé contre Samkos, par exemple, mais... Non, non, il va venir. Ah, tu le ferais, toi. Mais après, on commencera pas ça. Oui, après, défini, on va terminer sur. Check-les, lui. Il faut le conservateur. Lui, c'est. Ça va prendre 20 minutes par les deux. Mark m'a benché. C'est pas de discipline à soi. Ben, Chris Bench, moi, man. Donne-moi un 5. 5 minutes de pause. Dans litière. Instigateur, man. Fuck you all. On a vu avec Jeff une couple d'affaires cette semaine là qu'on va appeler rumeur de marde, là. Il y a eu des belles rumeurs. Rumeurs de marde. Rumeurs de marde. À cause du statu quo, il y a des rumeurs qui sortent. Les petits blogs, là, de fans de hockey. Ça sort de cet ancêtre, ça? Ouais, Hockey 30. Là, cette semaine, on a appris, selon Hockey 30, DLC puis 25 Stanley, que Pacioretty serait raciste. Il y aurait eu une bataille dans le vestiaire entre Subban et un autre joueur après la game contre Colorado. Hey, parlez pas de ça. Les joueurs n'aiment pas Subban parce que Subban, il met sa casquette avec son l'affaire de la bataille, là, Mike Bossy. Il m'a pas laissé finir, man. Non, il me laisse pas finir. Non, Mike, ton troisième pas. Attends, mais le fil, ton troisième. Les joueurs n'aimeraient pas Subban parce que Subban porte son branding sur lui quand il rentre. Ah oui, son. Sa casquette avec son logo. Moi, je dirais fuck you et tout. Mais l'affaire de la bataille, là, ça a l'air que Mike Bossy est sorti aussi. Sors-moi ça, man. What? Non, fuck you, c'est ma brand. Fuck you, pas aux uns. Bitch. Que Mike my fucking band. Ça, c'est individualiste. Non. Ah, non. Ça n'a rien à voir avec l'hockey. Ça, c'est individualiste. Ça n'a rien à voir avec l'hockey. Ça n'a rien à voir. À cette heure, ça prouve tout que c'est non. Mon nom qui est dans le dos et Paul Kress qui est en train. Non, pas vrai. Il y a pas de problème à profiter. Il y a tout son logo. Ça veut pas dire que son logo, son jersey. Fuck off. Je ne vous convaincrai pas. Je vais faire comme ça. Ça, c'est de la jalousie de toi que tu es individualiste. Moi, je vais continuer à jouer pour le team. Dans le vestiaire, si toi, tu dis que fucking Tazeman à Chicago, que sa marque de vêtements aussi, lui, il n'y a pas le même. Taze, il n'y a pas sa marque aussi, là? Ouais, mais je suis sûr qu'il porte pas ça. Bah, c'est ça. Fait que c'est... Pourquoi c'est tout correct dans la ligue? Si, mais à Montréal, c'est tout le temps de la calisse de marque quand il y a des joueurs qui sont. Non, fuck off. Arrête. Fuck off, moi, je suis pas d'accord. Aucun moyen de le faire. C'est question de cash. Il veut juste faire du cash avec ça. C'est bien correct, c'est une question de ces gars-là. Hey, Mark. Le nombre de coupes, ça fait-tu lui qui est un mauvais joueur? Non, ça fait pas. Non, ça pas rapport. Je pose une question. Ça fait-tu lui qui est un mauvais joueur? Tu compares deux bêtes complètement différentes. Non, tout ce qu'on compare les affaires qui sont similaires, mais t'es mis à part, là. Je pose une question. Pourquoi est-ce que dans le vestiaire, Taze, malgré qu'il a gagné des coupes, puis whatever, je me crie, c'est ce malgré qu'il a gagné des coupes, je me crie. Je malgré qu'il a gagné des coupes. Je m'en calise, de toute façon. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il rentre avec son vêtement, puis souvent, il fait la même affaire, puis oh là, les gars sont pas contents, eux autres. Souvent, il aurait gagné une coupe. Moi, je suis la direction de l'équipe, j'irais fuck off ça. La crise vous allez tous mettre la même calice d'affaires ici, c'est l'uniforme. On est à l'uniforme scolaire! Ah ben, ouais, vous allez rentrer en pantalon par en chemise, ouais. Stocking. Comme à UFC. Comme à ce qu'on va mettre à UFC qui ont parlé que les gars ont le reste de l'ordre de fucking. C'est quoi? C'est une distraction pour les autres joueurs. Oh my god! C'est paradoxal, man. C'est genre. C'est paradoxal. Un joueur, lui, il peut dire qu'il préfère jouer là, mais après ça, dans le vestiaire, tout le monde est habillé de la même façon. Tout le monde a la même coiffe. Tout le monde a la barbe rose. Tout le monde a la même coiffe. Mais quand tu donnes tes entrevues, Quand tu donnes tes entrevues après, mets ta calotte du CH. Moi, je trouve que ça fait plus. Non, il a sa calotte du CH. Check bien. Moi, je peux juste te dire que si j'étais un joueur dans l'organisation, que moi, je jouais dans une équipe de hockey, là, puis que je porterais les affaires Mark, du Canadien. On joue dans la même équipe. Mark, on joue dans la même équipe, puis moi, j'ai ma marque de linge. Puis toi, on joue dans la même équipe, puis je rentre dans le vestiaire, puis j'ai ma marque, et ça dit AG dessus, puis Alex. Fait que toi, ça te dérange. J'ai un esti d'exemple de feu, là, OK? Check, Alex, sérieusement, je respecte ton opinion. Moi, ça arrête, là. Moi, je préfère comme quelqu'un qui est plus conservateur. C'est toi, c'est vaniteux, un esti. Oh, lui, il a sa marque. Non. Fait que toi, tu veux tout des vases beige, dans le fond, dans l'organisation. Tout le monde qui est comme, OK, on est tous clean, on a tous le même style, la même barbe bien faite. Les Canadiens, 35 calottes. OK, mettez chacun la calotte qui te préfère le plus. Mais tiens, mais il a sa calotte du Canadien. J'ai une estime bonne question. J'ai vraiment une estime bonne question. Qui est-ce à chercher un branding? Moi, je parle de ma bière. Whatever. Il parle de sa bière, il parle de son micro. Non, mais... Anyway, je respecte vos opinions. Moi, c'est la mienne. Non, j'ai une question, j'ai une question. Vas-y. C'est fucké ton opinion, Mike, man. T'sais, la soirée du podcast... La soirée du podcast, on va reach mon nom, on a des auditeurs, puis quelques peu. Puis Mallette Enquête, lui, il fait partie du show. Puis il y a des fans aussi, Mallette Enquête. Il y a du monde qui aime ça, Mallette Enquête. Fait que là, si mettons, là, Mallette, vendredi prochain, il arrive. Tu me bends trop d'émotions. Vendredi prochain, non, justement, en contexte. Vendredi prochain, il arrive, puis tu sais, on a tous nos chandails. Là. Mais lui, il a son chandail. Il arrive avec son chandail comme ça. Mais il y a un petit Mallette Enquête, tu le collais. Là. Moi, je m'en retourne chez nous. Puis il fait genre. Moi, j'enlève mon jersey, je le fais en chest. Il fait 20 minutes. Il fait 20 millions de plus. Le cœur, il fait 20 millions. Il fait 20 millions de plus à cause de ça. Parce que quand il va faire le mallette enquête, il va avoir le jersey de la soirée du podcast. Ouais. Ouais, puis il fait partie du team. Mais il y a mallette enquête qui fait donner une crise de shit l'autre de cash de plus. J'aime son exemple. OK, qu'est-ce que tu veux en dire là, avec ça? Mais ça va-tu déranger? C'est que le c'est juste ouais, que Subban, son brand, c'est que quand il s'en va dans la chambre faire des entrevues à la fin de la game, il se fait filmer, il y a des questions. Il a son jersey du Canadien, là. Mais il est en dessous de son numéro du Canadien. Non, il y a juste. Mais c'est le Reebok, là. C'est le saut que tout le monde a. C'est le saut que tout le monde a, sauf qu'il y a un petit logo de lui. Non, c'est pas marqué Reebok, par exemple. Non. C'est son logo de lui. Ben, c'est chandail Reebok comme tout le monde. Comme toutes les corps de Reebok, par exemple. C'est le même chandail avec un petit logo. Il y a son sous-vêtement. Il y a son sous-vêtement personnalisé à lui. Mais c'est ça. Il y a le logo. C'est le même. C'est le même. Le Canadien, tu bouges juste le logo d'un coup, ça. Mais il y a juste sa petite figurine qui fait que. Mais ben, tout le monde voit ça à TV. Juste ça, man. Fait que c'est un coup de pub. Ben, fait que fait de l'argent. On voit juste ça. On viens m'illuminer, mon gars, parce que j'ai juste un point à dire. Est-ce que Michael Jordan, c'est un trou de cul parce qu'il portait des Jordan ses pieds? Ah, t'as peu. Là, tu compares le basket et le hockey. Jordan, c'est juste des coups. C'est juste Mark qui est dans le champ. C'est juste ça. Mark. Ah, mais regarde, t'es dans le champ carrément. Ton champ à toi et mon champ à. Non, mais toute la distinction, Mark, c'est qu'un athlète accompli. On a deux options. Un droit. Un athlète qui a rien gagné. T'as pas le droit. C'est pas une question de champ. C'est une question d'opinion puis de point de vue. Non, non, c'est comment tu vas investir. Dit que t'es moi, le droit et que Jordan je le droit. Le vois, mon vestiaire à moi, la manière que je vois dans mon concept à moi, il est pas comme c'est ça. Little school mais girl uniform. Non. Non, mais ouais, c'est peut-être, ça. Je peut-être tout tu vois comme ça. Mais c'est paradoxal correct. Parce que tes joueurs qui sont tous placés pareil, qui sont pareil, ben il y en a un qui peut aller dire moi j'aime mieux jouer à droite, j'aime mieux jouer au centre. J'adore parce Souban. Parce que Galchenyuk, lui, dans ton vestiaire, il jouerait pas à l'aile. Parce que lui, Esti. Ouais, mais ça enlève pas le fait que j'aime Souban. C'est juste que ça, cet aspect-là, je l'aime moins. Ça, cet aspect-là, je l'aime moins. Non, mais on pourrait quasiment la starter direct. Ouais, c'est parce que ça fait trop d'histoire sur le fait que moi, genre, j'aime moins ça. Mais écoute, garde. Fait que ça, sur cet engueulage, t'as qu'un Price, c'est le genou ou la hanche? Oui, tu sais, hanche. Mais où était Devante? Moi, je pense que c'est la hanche, c'est comme un Bouvier bernois, ben des problèmes dans ce coin-là. Sérieusement, ça va trop de show avec ça. Fait qu'on va aller faire un deuxième entrée pour vivre la troisième période. On est de retour pour la troisième période. En parlant de plis comme ça. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Tu dis que ma voix est suave là-dessus. Ouais, puis de Fox le poteau en plus, ça snap. Around the NHL. allons-y avec les nouvelles alentour de la Ligue. Bon, c'est de la merde. Il y a Dustin le Bifuglien. Il porte-tu son brand, lui? Je sais pas si Buffalo a son brand, mais il a signé une prolongation de contrat de 5 ans, 38 millions avec les Jets. Ce qui lui fait un beau 7,6 millions par année. Les Jets sont dans la cave. C'est un beau contrat. Ouais, les Jets sont plus bas que le Canadien. C'est un peu cher payé. Ouais. C'est Buffalo, tabarnak. Moi, je pense que c'est overrated. Tu peux le faire jouer en avant, tu peux le faire jouer à DL. Ouais, il est polyvalent. Non, mais il est-tu un petit peu overrated? Je pense que c'est un peu overrated. 6 millions à Nobel. Qui est ça? En fait, hein? Hein? Qui a dit ça, 7,6 millions, c'est un aubaine? Je sais pas. Qui a dit ça? Moi, je dis qu'il est overrated. Je vais aller voir ses stats. Attends, un peu, recule la cassette. Ben, écoute, il 7,6 millions, c'est cher en tabarnak pour lui. Là. Ouais, ben, il remplit la feuille de pointage. C'est lui, par je savais que c'était lui. Ouais, je fais juste te dire, j'essaie de dégager. Okay, mais t'as gardé le silence, ça prend le bonheur, t'as gardé le silence. Ben, il y a un hostie Garnock, man. Il défend le point, mais 7,6 millions. Il check fort, il y a un bon. Une bonne production, mais c'est cher, ça c'est pas qu'il est mauvais. Défensivement, c'est pas grand chose. Il vaut 6. Beaucoup d'argent. 6. Ouais, 6. Ouais. Un 6 aurait été bon. 6,2. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, s'il aurait été. Je pense pas que ça soit 6. Je pense que Winnipeg tient beaucoup à garder leurs joueurs aussi. Là. En ce moment, c'est il est populaire là-bas. Il est aimé. Voyez, en ce moment, Buffalo. Buffalo, joueur de concession. Là-bas, ça l'est. Ben oui. Pour Winnipeg, ça l'est. Ils ont perdu Evander Kane. Oh, c'est, Star, c'est lui. Alors pour les stats de Buffon en ce moment, pas, ils ont pas l'autre là, 69 games de jouer, 18 buts, 27 passes, ouais, 45 bon, points. 45 c'est plus points. Que Subban. Il est plus c'est... 5 en ce moment. C'est ça. Subban a 44. 124 minutes de pénalité. C'est parce que c'est faut pas t'oublier que 22 minutes 41 ouais, mais par game. C'est un cochon pareil là. Ah oh, ouais, mais il y a une petite shape là. Non, mais je parle pas. Je crois qu'un jour c'est un peu. Non, mais j'enlève pas son talent, mais je veux dire, je parlais par rapport au nombre de pénalités qu'il a dit. C'est normal qu'il y ait autant de pénalités. 124 minutes. C'est bonne coupe de fois. Non, non, il est cochon. Il pogne beaucoup de pénalités puis des 2 minutes 5 puis il se fait sortir puis Chris. Il est fort sur le power play par exemple. Les Jets, il y a une petite slap. J'enlève pas son talent, c'est pas ça que j'ai dit, Carlis. Les Jets, arrêtez donc, tabarnak. tabarnak de m'attaquer. Va chier, toi, un malade! Pas piment à tête, on choix. Pour que tu te prennes? Mais ce qui me ferait, c'est qu'il avait dit. Hey, toi et ton hosti de brand, là. Ouais. Parlant de brand. Tu vas le déstabiliser. Bifuglien. Le Bifuglien. Pour fêter, mettons, ma nouvelle signature, j'invite l'équipe au McDo. Ouais, c'est ça. Il a dit ça pour vrai. Ben, c'est correct. Moi, j'avais ça. Ouais, merci. Là, ça. Moi, j'y vais avec. C'était peut-être pour rire. Eh hey, oui. Moi, j'aurais demandé. J'aurais demandé, OK, c'est correct. Si tu viens d'apporter votre vin. On parle de lunch, là. Il a pas acheté un baril. La photo de Souban qui a posté des gars qui sont en train de souper. Ah, il est même pas dessus. Puis le monde se met à chialer. Tu les gars, vous êtes en train de souper. C'est lui qui prend la photo, man. Il aurait pu se prendre en selfie. Mais c'était-tu de la controverse de Mars, ça? Ça, c'était inutile. Les gars vont souvent manger ensemble. Mais c'est à vous qu'ils vont aller manger avec l'équipe. Non, moi, quand tu perds, c'est pas supposé avoir ça. T'as pas le droit de vivre. Hey, t'as le droit d'aller manger. T'as le droit d'être un tabarnak. T'es supposé avoir être massade. Non, non. Ça montre qu'au moins, ils sont une équipe. Au moins, ben, ça montre une clique. Une équipe? Mon cul, une équipe. Ça montre une clique. Le Vista, tu vis dans quel corps? Le vestiaire est divisé sur la brand à Souban, comme notre podcast, exactement. Là. Ouais. Non, mais c'est pas une équipe. C'est pas bien que les gars décident pas. C'est Chanel qui pète la gueule à Gatchenia. C'est pas une équipe. Parlons de Chanel. Deuxième point around the NHL, Dion Phaneuf est changé au sénateur. Mais Dion, man. Les sénateurs ont obtenu... Bon move des Maple Leafs. Les Maple Leafs là-dessus en ont passé une calice de GF, ils ont obtenu qui? Les sénateurs ont obtenu Phaneuf, Fratton, Bailey, Rooper et Donahue. En échange de Cohen, Greening, ben, Michalek et Lindbergh et un choix de deuxième ronde 2017. Non, mais honnêtement, là... Mais tu veux-tu te ramasser avec Phaneuf à ton team? Honnêtement, c'est un échange avec beaucoup de noms qui sont tous de jeunes joueurs. Il y a Michalek, Fratton. À part Michalek, puis... Fratton, c'est un jeune encore, là. Ah, mais bon. On va voir un peu ça quand même. Ouais, mais Michalek, il est pourri dans fin de carrière. C'est ça. Ouais, mais le but, dans le fond, de deal, c'était pour sauver l'argent de Dion. Pour donner plus à au coach. Puis c'était surtout pour sortir Dion Phaneuf parce que Steve Babcock n'est pas capable de Dion. Ouais, pourquoi les sénateurs l'auraient pris? Pourquoi? Parce que les sénateurs, ils s'améliorent quand même avec Phaneuf. Ils ont pris un risque parce qu'ils pensaient s'améliorer. Ben, honnêtement... Non, ils s'améliorent. C'est plate à parce qu'il n'est plus capitaine. Parce qu'il n'est plus capitaine, oui, il s'améliore. Oui. Non, mais même pas sur le fait de capitaine. Quand même qu'il n'est pas capitaine, il va foutre de la merde dans le vestiaire. Il n'est pas mauvais. Ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que Phaneuf d'un vestiaire, c'est jamais bon. Il est overpaid, mais il est pas. Puis c'est un gars qui s'entend jamais avec les coachs parce qu'un fucking asshole, OK? Mais l'affaire, c'est que Phaneuf, quand même, c'est un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, Phaneuf. C'est juste que c'est un gars qui est mauvais dans le vestiaire. Il est maquine. Je me parle. Ouais, puis tu passes à la table aussi, Dave. On est rendu croche. Non, mais dans le fond, là. Il y a deux affaires que j'ai vues dans cette transaction-là. Premièrement, êtes-vous correct? L'argent à table, est-ce que je pense que c'est ta charge. Ben, c'est ça, il y a deux affaires que je vois dans cette transaction-là. Premièrement, des gros échanges, ça arrive encore. Puis deuxièmement... Un gros échange! Ben, 9 joueurs, j'appelle ça un gros échange. Mais oui, OK! C'est une grosse quantité! On va échanger... On va échanger 8 gars des Ice Cap puis un gars du Canadien. Ça, c'est un gros échange. Je vais t'en faire des gros échanges de même, moi. Voyons, non. Je sais, mais je faisais une flèche à Bergevin. Puis l'autre point, c'est que... C'est drôle, c'est comme deux clubs de la même division. C'est-tu qui échange... Les deux sont faits de faveur, Ça veut dire que les Maple Leafs sont collés pas mal de Phaneuf. Ça veut dire plus que, gars, j'ai pas peur de toi que t'aies joué dans une autre équipe juste à côté de chez nous. Non, moi, ce que ça me dit surtout, c'est genre, qui c'est qui était prêt à le prendre dans la ligue parce qu'il l'a offert à tout le monde, c'est sûr. Quand t'es DG et tu trades un joueur, c'est sûr que tu l'as offert à tout le monde. T'as discuté le plus possible avec le maximum de DG. Puis tu fais, le seul qui veut coller, c'est le mieux que t'as été capable de soutirer, c'est les sénateurs. Ben, take it, man. Parce que l'objectif, c'était de se débarrasser. Je pensais que ça se faisait pas des séries en division. C'est pas comme Stamkos à Gazumel. C'est pour ça qu'Azumel dirait à Puck. Va à Toronto aux Canadiens. Fait que c'est quoi, je vais dire, je l'ai signé au complet. Je ne signerai pas. C'est parce que Toronto, ils disent, là, Phaneuf, là, qui nous reviennent d'en face, on s'en colle. C'est juste ça le prêt à payer pour plus l'avoir dans notre chambre. C'est sûr que c'est ça. Je voulais juste rire un peu de la situation. Toronto est dans le dernier go trade qu'il y a eu, c'est le gars des Prédateurs avec Columbus. Wow. Ryan Johansson contre St. Jones. C'est un besoin pour un besoin. Puis il a très bien expliqué pourquoi il ne pouvait pas bider là-dessus. Fait que tout le monde dit Johansson à Montréal, Johansson à Montréal. Il cherchait un jeune droitier, on n'a pas ça. T'envoies pas un joueur comme Tampa Bay. Ouais, là, puis je m'excuse, mais on n'a pas de Seth Jones dans notre équipe présentement. Ben, c'est ça que Souban. C'est ça qu'il voulait. Ouais. Il voulait un jeune droitier. On n'a pas de jeune droitier à part Subban. Il est mieux établi que ça, cette Jones. Ben oui, c'est ça. Subban est super. Tu trades pas Subban contre Johansson, là? Ben non, c'est pas non. ça. Non. Mais on n'avait rien à trader. Donc voilà, on ne peut pas partir de ça. C'est ils, ont tradé un prospect vraiment important contre un gars qui est établi. Puis c'était un besoin contre un besoin. On n'avait pas de Seth Jones. On n'a pas de prospect. On a besoin de Johansson, mais on n'a pas qu'est-ce que l'autre équipe manque. C'est pas le joueur que j'aurais visé, anyway, si je chercherais un joueur de centre. Non. Bon, ben avoue que t'arrives où, ouais. Ben pendant un bout, tu le vois. Ah, Johansson? Comme tout le monde. Ouais. Ouais, mais ouais, ce qui paraît, lui, c'est un drôle de moineau et tout, ce gars-là. Un autre, est-ce que un autre, est-ce qu'il porte sa main? Prochain point. Je m'en allais dire ça. Pas un joueur d'équipe, là. Il n'y a pas d'humilité. Non, lui, il porte pas de marque, est-ce pas d'humilité. Les marques, c'est, même pas c'est pour une classe de personne. C'est ça que Martin me disait. Moi, j'aime les joueurs avec l'humilité. Les flamboyants, là. Lui, il en a pas. J'aime les joueurs quoi? Avec l'humilité. Ouais, c'est vrai. Les joueurs bien imités. Lui, les seuls marques qu'il y a, c'est les stretch marks qu'il y a parce qu'il mange trop de cochonneries aussi. C'est pas lui que ses parents ils l'ont volé. Genre. Je sais pas. Non, ça c'est. C'est on parle de qui là? C'est beau. C'est Jack Johnson. C'est ouais, ça, Jack Johnson. C'est pas le guitariste, ça c'est pas un chanteur. Ça. Non, également. C'est un défenseur à Columbus. C'est une volée. Histoire, bon, c'est il a volé l'identité. Toi, tu parles du gars qui chante la toune de Curious George, le petit singe. Là. On passe à d'autres choses? Ouais. Ah ouais. Le Wild de congédier leur entraîneur Mike Yeo. Mike Yeo. Vas-y, là, c'était le mentor de qui? Vas-y, le JF, c'était moi. Là, je vais faire un parallèle avec son mentor. Michel Therrien. Et voilà. Oui, c'est Michel Therrien, son mentor. Okay? Vous allez voir deux situations qui se ressemblent beaucoup. Ok, t'as sorti ton iPad. Là. J'ai sorti mon iPad. Ah, je veux rien savoir, malade. Attention, okay. La source est la attention, presse plus. Attention. L'année passée, toujours le Wild crédible, Jean Labbé. N'allait pas bien du tout. Ok. Peut-être une coche à la glace, mais il a quand même gardé sa job. Ça, tu vas dire? Touch my fake. C'est une image. C'est une image. Don't touch my fucking shit. Fait que là, il a pété une coche à la glace, right? Là, regarde, allez-y. Tenez-vous bien, ça va prendre 2 minutes. Ok, ça va bien aller. C'est long. Là, ah, je l'ai déjà lu, man, oublie ça. Ok, tu me déconcentres, mon ami. Laissez Jay se concentrer. L'année passée, le Wild connaissait un slump phénoménal. Ça allait pas bien du tout parce qu'il n'avait pas de gardien de but au Minnesota. Tout le monde disait, il est où? Il va se faire mettre dehors. Il est où? Il est dehors. Mais ben, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été chercher Devin Dominic. Ouais, mais il a pété une coche à Dominic! La glace. C'est tout. Il a pété une coche à la glace. C'est le fini. C'est là que le monde a dit qu'il allait se faire mettre dehors. Non, j'ai pas on l'a eu, Dominic. J'ai pas fini. Okay. Là, Dominic, il est venu avec le Wild. Il a connu toute une fin de saison. Il a été quasiment nominé pour le Vezina. Et le Wild a fait les séries. Ben, malheureusement, ils se sont fait sortir, je pense, au premier tour. Moi, c'est malheureusement. Ben, parce que c'est sûr que. T'es un fan du Wild? Non, mais chaque équipe souhaite finir dans les grands honneurs. Pour eux. Ouais, il a pas réussi. Tes bobettes ben, d'abord. Vu que la saison n'allait pas bien, à cause des blessures devant le filet, le directeur général a été chercher un gardien de but pour sauver la saison. Ça a fonctionné, puis il a signé le goaler. Dude, man. Si Kazé aurait signé Dominic dans le temps qu'ils sont allés chercher, t'aurais crucifié autant que ça serait. Ça n'a pas rapport, qu'est-ce que je veux dire, Alex? Ça n'a pas rapport, pantoute. Ouais, non, tu sais comme ça serait ça, le sauvage. Non, ça serait pas ça, le sauveur. J'ai fait un parallèle sur plusieurs points. Ça, c'est un esti de sauvage. Mais ça, c'est un parallèle qui attaque la direction du Canadien à ton avantage, à ton opinion. Là, tu vas comprendre mon deuxième point, OK? Le deuxième point, c'est que finalement, le Wild, des problèmes ne se sont pas réglés. Les rumeurs de congédiement sont revenues. Yehou s'est fait mettre dehors. Yehou? Okay? Yehou? Le gars qui l'a remplacé, c'est le gars du club école. Okay? Ouais. Ouais, comme le ça gars du souvent, club école, ça va vraiment pas bien. Okay? Ils ont perdu la saison. Ils ont gagné 8 games en 30 matchs. Oh, mais ça, c'est intérimage qui a fait. Ouais, c'est ça. Il est en train de Non, il n'est pas par intérim. Il a été nommé entraîneur-chef. Il est en train de nous dire que la Fève s'en vient à Montréal. Jusqu'à la fin de la saison. Je vais juste vous dire, dans le fond, que le problème, là, ça, c'est certains DG qui le font, c'est pas tout le monde qui le font. C'est que quand il implante un système, le système de Michel Therrien, okay, c'est lui le boss. Okay, c'est lui qui décide qui qu'on va engager pour la Ligue américaine. Il participe aux décisions. Il dit, par contre, ce gars-là, ça va être mon plan de match. Je vous donne un exemple. Mettons, tout le monde sait, c'est qui Benoît Gros? Okay, ouais, c'est un entraîneur en junior, puis ça va bien. Il connaît du succès. Penses-tu vraiment que Benoît Gros accepterait d'aller coacher pour un club américain puis suivre le plan de match du coach qui est au-dessus de lui? Ben, c'est bien rare que les coachs juniors jumpent directement dans la Ligue nationale, first. Hein? À part Patrick Roy, là. Coach Junior. Ou le non, non, ou non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Il l'engage pour aller dans la Ligue américaine. Puis ils vont dire, toi, mon petit gros, là. Ouais, fais tes devoirs dans la Ligue américaine comme un joueur de la Ligue nationale. Fais pas tes devoirs. Tu vas coacher, mais tu vas coacher de la façon que moi, je vais dire de coacher. Au Minnesota, c'est ça le problème qui est arrivé. Ah, ben okay. Non, t'es malade. Il est où? OK, il y avait son système de jeu. Le coach de la Ligue américaine, il y avait le même système de jeu que il est où? OK? Le Wild ne gagne pas plus. OK? Puis là, à Montréal, le parallèle que je veux venir, c'est que Bergevin est tellement cave que la journée que Terrien va partir, il va nommer Lefebvre. Puis la raison qu'il va nommer Lefebvre, c'est parce que c'est le même fucking système de jeu. Est-ce qu'il sauve du temps à tabarnak? Mais c'est qui Lefebvre? Dit? Tu mets dehors Terrien. Il aurait nommé Lefebvre bien avant ça. C'est qui a dit à Lefebvre de coacher comme qu'il faut qu'il coache? Mais c'est le même le système de jeu, c'est le même. Qui a dit qu'il faut que tu coaches? Ça n'a pas rapport. Ben, c'est Bergevin et Terrien. Non, mais non. Fait que c'est qui engage le coach dans la mineure? C'est Terrien et Bergevin. Non, hey, sérieusement, là. Non. Fait qu'il demande, OK, c'est quoi ta philosophie de coaching? OK, ces deux-là, ça ressemble. C'est ça qu'on s'en va. Excuse-moi, mais le système de jeu de Michel Lefebvre, de Sylvain Lefebvre, c'est le même putain de système de jeu que Michel Terrien fait. C'est pas le style de Lefebvre, c'est le style de Terrien. C'est fine. Fait that's fine. Ils ont fait ça pour faciliter la transition c'est des jeunes. Ça devrait être même dans chaque équipe américaine. Ça devrait être deux coachs avec la même mentalité qui veulent implémenter le même système de jeu. Le problème, il y en a pas 10 000 sur le système de jeu. C'est quoi la fiche du Wild? Est-ce qu'ils ont un slump aussi pire que nous autres à la Ligue américaine? Là, c'est au directeur général. Que le fucking système de jeu, il y a un crise de problème. C'est au directeur général à fournir les bons joueurs. Ouais, mais Marc est trop occupé à apparaître dans les Timmy Show, Westy, puis de flasher sur Facebook, tabarnak, puis de boire des pétales. Fait juste être émotif. Timmy Show, il était record en décembre, by the way. Oui, je pense qu'on a un problème. Parce que tu fais juste négatif. Tu fais juste, bon, je suis frustré, j'aime pas l'équipe présentement. Non, t'as eu Bergevin. Ouais, puis t'aimes pas Bergevin parce que. Comme là, il aurait fallu qu'il aille chercher Giroud, il aurait fallu qu'il aille chercher... Non, c'est tous les repêchages, toutes les affaires, les bonnes... Le coach, je t'aime pas... Ben là, t'as peu, là. Je divague pas, man. T'as voulu qu'il fasse tous les bons moves. Ah, mais t'as peu, le coach de Tampa Bay, qui s'est fait congédier, Scarface, là. Guy Boucher, là. Lui, là, il coachait-tu pareil comme Jacques Martin? Oui. Non, ben c'est ça. Puis Chris, il était dans les Ligue américaine pendant... Il coachait défensif en tabarnak, Boucher, par exemple. Attends, je vais écouter la fin du premier. Ben c'est ça, puis le maître était défensif. Fait que l'affaire, c'est que pendant quelque chose, là, il était... Jacques Martin était à Montréal, Guy Boucher coachait en bas, puis il coachait pas pareil comme Jacques Martin. Ben, ils étaient les deux des coachs défensifs. C'est quoi? C'est la communication que t'as avec tes joueurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça beaucoup, puis c'est la philosophie, l'approche que t'as dans ton vestiaire. Ça, c'est sûr et certain. Ah, mais Marc, Boucher puis le maire, c'est les coachs, les deux étaient défensifs. Fait qu'ils ont comme la même base de philosophie. Ouais, mais attention. J'en conviens, mais c'est la philosophie. C'est pas nécessairement le même système de jeu. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont bouger à rondelle de la même façon ou ils vont protéger le disque de la même façon. Mais pourquoi t'entraînerais pas tes joueurs à monter dans un système de jeu qui vont déjà être habitués à jouer dedans? C'est un esti de risque à ton système, c'est de la calisse de merde parce que la journée que ton coach va partir, t'es pas dit de prendre l'autre coach qui s'en marde pour le monter en haut. C'est ça le problème. Non, mais moi, je peux juste te dire une affaire, là. C'est que c'est pas le fèvre qui s'en vient. C'est pas le. Bon, là, j'ai vite caché sur mon frère. Tabarnak! Check-moi! Va chier, c'est toi pas sur moi. Jeff a craché en réagissant à sa propre joke qui a été répétée, c'est bien. J'ai été squirté sur moi, là. Ouais, vraiment. Ah ouais, tu peux être lavé, puis je peux passer un autre point, là. Ah, si, ça me donne le goût de parler dans ma bière. Oui, monsieur l'agent, je sens pas en bière. Non. J'en ai eu l'en face. Ouais, c'était vraiment merveilleux. J'ai hâte de voir ça en vidéo. Je pense que ça va être une des promos du shot. Podcast. Top shot! Hey, j'étais tellement lean back avec mon micro dans mes mains. Il attendait son temps de parler. J'étais juste assis, j'écoutais le micro dans mes mains. Je me fais squirter en pleine guerre. Un replay. OK, c'est quoi l'autre point? Là? Oh ben, Stamkos, là, OK, sera pas échangeable à la date limite selon son agent. Sportsnet ont dit que selon leur insider, Stamkos signerait à Montréal. Y croyez-vous? C'est ça le sujet? Non. C'est pas mal ça. Asti, la journée que ça va arriver, les gars, je vais tellement être. Est-ce que Stamkos va signer à Montréal? C'est quoi les chances? 2 sur 4 millions? Non. Pas de chance. Je vais être vraiment surpris que ça arrive. Asti, que j'aimerais ça, par exemple. Moi aussi, mais je vais être dans ce joueur-là. Qui serait pas content? Comment qu'on réussira à signer à libérer de la masse salariale? Je te parle pas de comment. Ça prend un directeur général. Il faut qu'il fasse sa fucking job. Sa fucking job présentement, ça va pas bien. Fait que c'est le temps de te débarrasser de contrats. Ouais, de mais tu te débarrasses comment? Tu peux pas les envoyer. En les échangeant, si ouais, t'es crise à balle. Ouais, mais Jeff, tu peux pas échanger. Avec la masse genre, salariale des 5,5 millions puis des 6,5 millions. Oui, mais tu peux échanger millions. Quelques joueurs au moins. Mais c'est qui les épais qui prendraient ces joueurs-là? Hey, pour, oui, pour le salaire qui commande, là, faut que tu débarrasses deux salaires. Deux salaires. Une poivrière. Deux fourchettes. Oublie pas ton cumin. Faut que tu libères deux salaires d'à peu près 5,4 millions puis 6 millions, mettons. Ouais. Okay. Si tu veux avoir Stamkos puis le signer 10 millions, là, faut que tu libères 11 millions en partant. Fait qu'on libère, on, parce on, que t'es du lousse. On vide le club, puis finalement, on le signe pas. Ben non, dernier Marco Beller. T'en as des contrats de joueurs qui sont ben trop élevés. T'as Emlyn, ouais, t'as Lars Eller, ouais, t'as Markov, puis t'as Plekanec. Ouais, mais malade, s'ils sont trop élevés à Montréal, ils vont être trop élevés partout dans la ligue et tout. Ça dépend. Si un club qui se bat pour une place en playoff, un exemple, les Panthers de la Floride, où ils ont beaucoup de place en salaire. Ils vont aller chercher un Oban, Colis. Ils vont pas chercher un gars qui reste 3 ans de salaire. Ben, ça leur fait du bien parce qu'ils veulent pas toucher au plancher salarial. Ils vont aller chercher Markov, est-ce-t-il? Hey, qui c'est qui frôle le plancher là, dans la ligue? Là? Les Panthers frôlent le plancher. Oh, les à Panthers. Phoenix, avec toutes les jeunes Panthers, qui ont, ils frôlent le plancher. Faites-moi rire! Les Panthers. Les joueurs des Panthers, là, ils ont pas tous des gros salaires. C'est tous dans leur premier entry-level contract. Ah ouais, vas-y, joue-moi la cassette. Ah ben, hey, GF, on peut pas faire ça. Regarde comment tu réagis juste après avoir perdu comme 20 games sur 30, man. Penses-tu qu'ils peuvent se permettre de faire ça? Ah, c'est le poulet pas con qui parle. Déjà, t'es prêt à tout mettre à terre. Ça s'appelle un semi-tankage. Arrête. Ça s'appelle un semi-bonheur. T'es même pas capable de prendre un petit tankage. Je sais, gars, comment tu réagis présentement. T'es même pas capable de prendre un steak. Mais non, mais je vais réagir correctement. Je veux l'avoir, mon premier choix. Je veux de la place pour signer des joueurs meilleurs que ceux que j'ai là. Non, tu l'auras pas. T'es pas capable d'accepter d'y aller pour les premiers choix pendant 3-4 ans. Pourquoi t'es pas capable? Mais oui, je l'accepte. Je veux justement qu'on finisse dernier pendant 5 ans pour qu'on puisse avoir un club gagnant avec des jamais. Présentement là, je ris, je suis content moi, que le Canadien perd. Ça, c'est quoi que moi. L'autre équipe score? Pas content, j'ai des frissons Chris, dans le dos. Ça, c'est pas un gars content, c'est un gars genre. Ce qui me fait chier, là. Dans le fond, c'est parce que t'es pendé Bergevin, man. Il pas pendé Bergevin. Si je vois Bergevin, je pisse dessus, esti. Non! Ils sont trop loin, là. Moi, là, je suis extrêmement content que c'est le statu quo, man. C'est ça que ça devrait être. Ça devrait pas être émotionnel comme t'es en train de faire, man. Excuse-moi. Non, mais. Jack Crow devrait juste quand même dévoiler des choses. Jusqu'au mois de juillet. Après ça, il faut qu'il fasse un move, c'est sûr. J'espère qu'on fait un move, ça donne absolument rien. Mais non, mais écoute, si, mettons là, qu'il fait rien là jusqu'à date limite des échanges, hostie. Il n'y a rien à faire. Oui, il y a quelque chose à faire, ben hostie. Débarrasse-toi des gars que t'as plus besoin. Delouis, t'as-tu besoin de ça pour finir l'année? Non, oui. Pas faire ça. Débarrasse. T'as-tu besoin de Marca pour finir l'année? Non, débarrasse, hostie. Tu vas sauver de l'argent. Avec la nouvelle argent, tu vas l'investir ailleurs. C'est comme ça marche. Oui. Bon, mais là, l'année prochaine, tu vas être obligé d'en mettre plein de gars. Parce qu'il te manque plein de gars parce que t'as essayé de sauver un peu d'argent pour un tu gars. Tu as trois lignes. Après ça, tu viens de défaire comme une grosse partie de notre noyau pour emmener des jeunes de l'ice cap. C'est ça que je veux, amener des jeunes. Bon, fait que là, t'abandonnes pendant 5 ans. Hey, mon hostie Claude Jutras, que toi et jeune. Mais la fin plus fort. Fait que t'abandonnes pour les prochains 5 ans. Fait que tu nous écœures plus à changer rien pendant 5 ans parce que c'est ça. That's your new plan. Parce qu'une année que ça n'a pas été bien. Work for Chicago, ça marche. Une année que ça n'a pas été bien à cause qu'on a perdu le meilleur goaler, puis t'es prêt à tout coller sur la tête. J'ai un chef rentré dans un podcast qu'à soir. Voilà. Ça a marché. Bon, les gars, ça va, là? Cette cacophonie est terminée? Non. Calice, Alex, si vous fermez vos calices de gueule. Mais dis qui parle. C'est toi qui gueule toute la nuit de cette soirée, calice. Mon dernier point, c'était Dennis Wildman. Il est allé en appel. Il a pas gagné. Dennis Wildman, il continue son 20 matchs de suspension. Il y a eu des messages textes qui sont sortis là-dedans, là. Ben ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme information? Ben, il a juste dit, genre, la seule raison. Tu vas fingerer ton stand de. Il se prépare. Dans le fond, Wildman, dans ses textes, il blastait les médias et les refs de la ligue. Puis quand Batman a vu ça, il a fait comme, ben non, finalement, on garde ta décision de 20 matchs, puis de la titre, là. Mais comment qu'il a pu voir ça? C'est spécial, pareil. C'est parce que quand t'arrives en appel, ok, t'as pas le choix. Tu peux prendre des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis au début. Puis tu peux pas les ignorer, genre. Fait qu'ils ont dit à Wildman puis au ref, on veut vos téléphones cellulaires. Si tu dis non, tu peux être vraiment normal, tu peux faire. Il veut le téléphone, c'est là. Il aurait dû effacer son message texte. Il aurait pu dire comme mon téléphone est brisé. Ben, il a envoyé chier un peu, la, dans le fond, les refs, la ligue, puis les médias pour Weidman par rapport c'était à. C'était volontaire, cette shot-là. Là. Ben, c'était volontaire complètement, mais il était en appel pour dire non, je veux pas 20 matchs, puis à cause des preuves qu'il avait sur son téléphone, ben, Batman il dit non. T'as ton 20 matchs, puis c'est le pire move que j'ai vu sur un ref depuis. C'était dégueulasse, pour vrai. Il est calme, il avait chier. Non, mais c'était hot, parce que les refs, je les haïs, moi, Sti, en a je dis ça, je m'en calisse, mais pour vrai. C'est ce qui m'énerve. Tout le monde sauf Pierre Champoux. Pourquoi des haïs? Ça joue la ligue. Parce que les refs, c'est fucking assos. Ils sont tout le temps dans le play. Ils sont ben tout le temps. Les linesmen sont corrects. C'est vrai, ils sont tout le temps fargés dans la puck. Ah, ils sont quatre. Ils sont tout le temps là. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils la game. Non, tabarnak, avant, ça refait à deux refs. C'est pas normal. Ah oui, c'est vrai. Ils pourraient tellement refaire à deux refs. Pauvres linesmen. Sérieux, les linesmen. Non, il y en aurait même pas besoin. Ils sont tout le temps. Sérieusement, ils sont dingues. Ils pourraient mettre des gars en dehors de la glace sur le bord. Ils pourraient mettre comme le Eagle Eye au tennis. Un ah ref, ouais, un ref l'a pas réveillé là, qu'il y en a un de trop là. Quand le jeu est fucking intense, ça se passe sur le bord des bandes, ils sont tout le temps dedans, man. Ouais, mais les patins n'est rien. Ben, il y aurait une bataille, les gars qui séparaient. Il pourrait à deux refs s'ils utilisaient plus la réponse. Non, personne, il n'y a jamais d'arbitre là-dedans. Une bataille, ça sera les astis d'arbitre, man. Ils sont pas, ils sont tous faibles. C'est l'arbitre, c'est costaud. Mais ils mettront des linesmen, astis comme arbitre, c'est tout, on s'en calait, ils sont capables de faire ça. Ça nous prend un petit vieux à tête grise, comme dans la NFL, dans NBA. C'est classique. Il plante des drapeaux, calice. Ah, mais il va avoir plein de mauvais calls après ça. Puis tu vas chialer. Chris, c'est-tu les arbitres? Il manque des calls. Non, il manque parce qu'il n'y a pas de linesmen. Tu manqueras pas de calls. Tu manqueras pas de calls parce que tu les mets sur le bord de la bande. C'est parce que l'affaire, c'est que, depuis qu'ils ont éliminé la ligne dans le milieu, là, c'est fucking trop rapide. Fait que là, c'est vrai qu'ils ont plus de choix. Ils vont être assis dans les stands, ils vont boire de la bière, ils vont être chaud au raid, ils vont siffler. Ça va déranger le monde. Comme Berger, c'est chum. Non, ce qui me fait chier des refs aussi, c'est qu'ils égalisent la game en plus, puis ils décident du sort de la game. Ouais, ça, j'aime pas ça. Ça me fait chier. Mais en même temps, tu veux dire qu'il ref comme dans la NFL? Quand il passe comme un cross-check en avant d'un ref, puis il dit rien, il tend sa face, il y a un gros hawking, man. Il dit rien, il y a un slash, ouais, fait rien. Ouais, ben c'est 4-2. Il pop, il call. Ah, fuck. Ouais, mais en même temps, Mark, t'aimerais-tu que ça soit une referee comme dans la NFL? Ça arrêterait bien trop souvent. Si ref comme vraiment comme coller toutes les pénalités de la NFL contre. Parce que la NFL, il y a trop de timeouts. Non, non, mais c'est ça. Mais là, Mané, le hockey deviendrait ça. Là, non, ça arrêterait trop, tout le temps. Man. C'est pas juste une question de timeout. C'est qu'il y a vraiment trop d'arrêts. Ben, ouais. C'est sûr, c'est un play, ça arrête. C'est un play, ça arrête. Non, un play, ça arrête. C'est pas ça. Là, mais est-ce que, ouais, mais oui, ça arrête plus souvent que le hockey. Là. Mais oui. Mais là, il paraît qu'il faut arrêter. Là. Ben, on débat parce qu'on a un autre podcast à faire après ça qui va durer une heure, qui est la jasette d'épisode 43. Fuck off, moi, je fais pas le podcast avec eux autres. Ben, Alex sera pas là, je pense. Fait que tu peux le faire. Ah, ok, ben... je vais le faire le podcast. Fait qu'on s'excuse pour cet épisode cacophonique qu'on vient de vous livrer. Non, on s'excuse pas. Quand ouais, allez donc te chier. Ça arrive, on est émotionnel, c'est en pleine défaite de on fait juste perdre, on sait pas comment réagir. Mais nous, on s'en calisse, nos fans sont en Suisse. Lui, il a une ulcère d'estomac. Ok. Surréalisme. Tout un fan des Blackhawks. Pendant que Dave splash sa bière sur l'équipement audio. Fait que, je me fais squirter à qui mieux mieux. Là. Hey, okay. Sérieusement, je t'avais sorti des sacs à vidange, j'ai tout déplié ça. Mais je t'avais fermé vos micros, aussi. Oui, je suis bien correct. Moi, je suis l'huile d'olive. Fait que suivez-nous sur Twitter, @soireedupodcast, Facebook, la soirée du podcast, YouTube, suivez les mallettes en quête. Ouais. La viande va venir après. Ouais. La maillot va venir après. La viande va venir après. Fait que sur ça, on se voit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.